Le regard sur le monde. Bonjour Sylvie. Bonjour Jean-Claude. Sylvie Simon, depuis combien d'années écrivez-vous ? Depuis combien d'années êtes-vous entrée en combat ? Ah ben c'est pas tout à fait pareil. J'ai commencé à écrire en 1980, mais mon combat pour la santé date de 1995, pas avant. Mais depuis, je me bats beaucoup, mais j'essaie aussi d'écrire quand même un peu de temps en temps des romans et autres pour me nettoyer des microbes et des virus qui nous entourent. Deux genres, hein. Vous avez deux hobbies. Le paranormal vous intéresse depuis très longtemps, Sylvie ? Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis que je suis née. Un livre vient de sortir aux éditions Alphée. Mais c'est pas de celui-là dont nous allons parler. Non. On va parler de choses beaucoup plus percutantes, c'est-à-dire les mensonges des lobbies pharmaceutiques, et je crois que ça c'est très important. Oui, mais enfin, La mémoire de l'au-delà, roman initiatique, je ne l'ai pas encore lu. Nous réservons une nuit ensemble, hein, une partie d'une nuit, un vendredi soir, un plus près des étoiles, Sylvie. Avec grand plaisir, parce que vraiment c'est un livre que j'ai écrit avec beaucoup d'amour. Il y a eu ce livre aussi co-écrit avec Jacqueline Bousquet. Oui. Le réveil de la conscience. Alors ça, Jacqueline et moi, nous entendons très bien pour nous dire que les gens dorment, les gens sont abrutis. Les gens sont abrutis par la télévision, par tout ce qu'ils entendent, par tout ce qu'ils voient. Ils ne pensent plus par eux-mêmes. Et ça, c'est très grave, parce que je crois que c'est ce qu'on a perdu le plus actuellement dans notre civilisation. C'est le pouvoir de juger, c'est l'esprit critique, c'est le bon sens. On a totalement perdu notre bon sens. On répète les âneries qu'on entend toute la journée partout, dans les radios, les télévisions, sauf la vôtre, évidemment. Et on répète tout ça, et tout le monde le croit. Et alors justement, avec Jacqueline, nous sommes insurgés contre cela. En vérité, je dois dire que c'est Jacqueline qui m'a introduit dans le combat pour la santé, car il y a des années, elle me racontait des horreurs qui se passaient à l'INSERM, dont elle faisait partie. Et un jour, elle m'a dit, je lui ai dit, mais tu devrais dénoncer tout cela. Et elle m'a dit non, je peux pas, parce que sinon je serais jetée, parce que tous les gens qui font partie du justement, système... pourquoi Jacqueline Bousquet est aussi isolée? Parce qu'elle est isolée. Elle est isolée parce qu'elle ose dire la vérité, qu'on n'aime pas les chercheurs qui disent la vérité. C'est quelque chose qui est absolument interdit à notre époque. Donc, elle n'est pas tellement isolée parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup. Mais effectivement, l'intelligentsia scientifique préfère ne pas s'occuper d'elle. En tout cas, c'est elle qui m'a introduite dans ce combat en me disant, tu vas voir, il faut absolument que ce soit toi qui écrives ça parce que toi, tu sais écrire. Moi, ça me barbe, je sais beaucoup moins, etc., etc. Et donc, c'est elle qui m'a engagée là-dedans. Et je dois dire, quand j'ai commencé à écrire mon premier bouquin, après je me suis dit mais c'est pas possible, j'étais horrifiée parce que ce qu'elle m'avait raconté n'était que la toute petite partie visible de l'iceberg, et je crois que l'iceberg est énorme. À la suite d'une émission avec un autre animateur, il y a eu quelques appels, en dehors de l'antenne bien entendu, pour me dire mais cette femme est dangereuse en parlant de vous. Moi ? Oui. C'est ce que m'a dit un jour un procureur de la République quand j'étais en train de défendre Monique Beljanski, qui était attaquée pour des produits qui depuis ont été innocentés. Il m'a dit, mais madame, vous êtes dangereuse parce que vous faites croire que les médicaments sont dangereux. Je lui ai dit, mais alors pourquoi en retire-t-on tellement du marché ? Et il m'a dit, bah justement, si on les retire, ça prouve qu'on sait qu'ils sont dangereux. Alors, vous voyez, je ne vois pas en quoi je suis dangereuse, parce que de toute façon, je donne des informations, mais je ne donne jamais de conseils. Je ne dis jamais, je vous conseille de prendre ceci. Je peux dire, effectivement, la vaccination est dangereuse. C'est vrai. Mais Sylvie, si vous étiez une femme dangereuse, est-ce que vos livres seraient édités ? Est-ce que vos livres seraient en circulation ? Y aurait-il eu censure ou pas ? Si je mentais, il est évident qu'on se serait débrouillé pour me censurer. Maintenant, je vous signale que le livre que vous avez dans les mains, justement, qui est le dernier, qui s'appelle « La nouvelle dictature médico-scientifique », devait sortir aux éditions du Rocher. Jean-Paul Bertrand m'avait signé un contrat en bonne et due forme. Mmh. Et comme les éditions ont été rachetées par des laboratoires, le laboratoire Fabre, alors là, les dirigeants ont dit « Ah non, on veut absolument pas de cette femme, elle est dangereuse. » Elle est dangereuse pour l'industrie pharmaceutique, mais je ne suis pas du tout dangereuse pour les gens. Un petit bout de femme comme vous, dangereuse. Ben oui, mais vous osez dire ce que les médias ne disent pas. Mais ils ont du mal à le dire parce qu'ils sont toujours financés par les laboratoires. Vous savez, les laboratoires ont la main sur tout. C'était le British Medical Journal qui disait l'industrie pharmaceutique a fait main basse sur toutes les autorités sanitaires. C'est pas moi qui disais ça, hein, c'est le British Medical Journal, qui est un journal extrêmement sérieux, il disait ça en novembre 2002. Et l'industrie pharmaceutique est partout. Elle fabrique non seulement des médicaments, mais elle fabrique des pesticides, elle fabrique un tas de choses, elle fabrique même des produits de consommation courante. Et il est évident que entre elle et moi, je fais pas le poids. Ça, je me fais aucune illusion. Bien, il y a une dépêche qui est arrivée il y a quelques heures, une dépêche via l'AFP. Les malades de la thyroïde veulent la vérité sur Tchernobyl. Ils viennent de se regrouper avec une association, encore une autre, l'Association française des maladies de la thyroïde, la FMT. Quel média va parler de cette action ? Bah écoutez, j'espère qu'il y en a beaucoup parce que maintenant nous arrivons à l'anniversaire de Tchernobyl. Alors j'espère que ça va faire de l'effet. J'ai un de mes amis qui s'appelle Michel Jacquemin qui vient de sortir un livre sur Tchernobyl. Il en a sorti 3 du reste. Il a eu des problèmes, des menaces sur sa vie, etc. Mais comme son livre a été préfacé par le professeur Bellepomme, j'espère que ça lui donnera une certaine autorité et qu'on va enfin en parler. Donc on s'occupe quand même beaucoup de ça, mais il est évident que pour que ça sorte, c'est très difficile. Ce livre que j'ai sous les yeux, qui est sorti il y a peu, La Nouvelle Dictature, costaud, hein, dictature, carrément. Hein, mais c'est une dictature. Vous auriez pu mettre un autre mot, mais c'est dictature. Ah, mais j'ai choisi. Hein. La Nouvelle Dictature médico-scientifique, c'est publié aux éditions d'Angle et préfacé par Philippe Desbrosses. Et ce mot, il a aussi, Monsieur Desbrosses. Je crois qu'il aime beaucoup tous mes livres et qu'il n'a pas hésité à se mouiller. Il est même allé très loin dans son affirmation. Parce qu'il dit que je dénonce. Attendez, je vais le dire. Ce livre dresse un constat terrifiant de l'avancée du crime institutionnel dans notre société. Philippe Desbrosses, docteur en environnement et expert consultant auprès de l'Union européenne et du Parlement européen. Oui, voilà. Non, mais c'est pas un rigolo. Tous ces gens-là sont des gens très sérieux. Et j'ai derrière moi, et c'est, je crois, ce qui me donne beaucoup de crédibilité, c'est que chaque fois que j'écris un bouquin, je le donne à des amis qui sont des scientifiques de haut niveau, et personne ne m'a jamais dit que dit une ânerie. Jamais, au contraire. J'ai écrit comme ça un livre sur les vaccinations, j'ai eu des quantités de médecins, maintenant ils osent moins le faire parce qu'ils ont des gros problèmes avec le Conseil de l'Ordre, qui ont écrit « Merci à Simon de nous avoir révélé des choses que nous ignorions, et qui sont évidemment exactes. » Alors, il y a quand même un mensonge énorme partout. Justement, je voudrais vous raconter, juste avant de venir, j'ai reçu un email, je reçois beaucoup d'emails des États-Unis et de l'Angleterre. J'ai la chance de parler anglais, et donc ça me donne beaucoup d'introductions là-dedans, parce qu'en France, je crois que tout le monde le sait, on a une chape de plomb sur l'information. Alors qu'aux États-Unis et en Angleterre, certes, les laboratoires pharmaceutiques sont aussi dangereux qu'ailleurs, mais il y a quand même une information qui passe. Alors la BBC a annoncé il y a quelques jours qu'il y avait 20 000 morts par an au Bangladesh par la rougeole. Or, l'UNICEF immédiatement et le gouvernement de Bangladesh a décidé de faire immédiatement des grandes campagnes de vaccination. Or, l'OMS, vous voyez, je prends mes références, ce sont quand même des gens connus et dans le système, annonce qu'il y a eu en l'an 2000, 5 000 cas, je ne parle pas des décès, je parle de cas totaux sur la rougeole. En 2001, il y en a eu 4414, j'ai des chiffres très précis. En 2002, 3484. En 2003, 4067. En 2004, il y en a un peu plus, il y a eu 9700 cas. Or, on nous annonce 20 000 morts par an au Bangladesh. Donc vous voyez déjà un mensonge absolument énorme. Il est évident que la BBC n'a pas inventé ça, ce sont des chiffres qui ont été communiqués par des laboratoires pour vendre leurs vaccins. Et ça, il y en a sans arrêt. Je vais aller rapidement dans le livre, le but n'étant pas de décortiquer le livre de A jusqu'à Z, de la première à la dernière page. Mais à la page 21, vous écrivez, et je trouve que c'est terrifiant ce que vous écrivez, « Les scientifiques savent à présent comment modifier le génome humain, ouvrant la porte aux délires les plus fous qui peuvent, sous prétexte d'eugénisme, entraîner de terribles catastrophes. En devenant capables de modifier non seulement le patrimoine génétique d'un sujet, mais aussi celui de ses descendants, on pourrait... et vous l'écrivez entre guillemets, améliorer l'espèce humaine. Cette possibilité d'eugénisme risque de déboucher sur des perspectives terrifiantes. On est proche des expériences de certains nazis, tels le fameux Mengele. Pour l'instant, ces pratiques sont interdites par la Convention européenne, mais à travers quelques publications, on sent poindre chez certains scientifiques une inquiétante envie de recréer une race supérieure, et malgré la position ferme du Comité international de bioéthique sur la prise de brevets sur les génomes humains, on se demande si certains ne se laisseront pas influencer un jour par les intérêts financiers colossaux que représente le marché de la génétique. Ce passage est terrifiant, Sylvie. Mais oui, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Alors, justement, il y a eu, puisque vous parlez, j'ai parlé des nazis, je vous signale que un procureur anglais à Nuremberg, au procès de Nuremberg, a dit si vous ne punissez pas certaines personnes très très fortement, je n'ai pas le livre sous la main, donc je ne me souviens plus exactement de ma citation qui était sortie de textes officiels. Ces gens reviendront plus tard et seront encore plus dangereux pour l'humanité. Or, ces gens dont faisait le procès, qui étaient issus de IF de Farben, qui ont fait des expériences sous les régimes nazis, se sont maintenant transformés en laboratoires pharmaceutiques. Je donne tous les détails dans mon livre. Donc, il faut quand même faire très attention à ces gens-là. Et quand je parle justement d'améliorer la race américaine, la race humaine, je cite dans mon livre ceux qui en ont parlé. Et il y a eu des séminaires faits sur ces choses-là. Il y a même eu un scientifique, un généticien qui a osé dire on pourrait comme ça fabriquer des esclaves humains. Je raconte tout ça, mais c'est vrai, je donne toutes les sources. Donc c'est terrifiant, mais vous savez, je crois que tous les livres qu'on a pu écrire, Le Meilleur des Mondes, ou ce qu'a décrit Orwell dans 1984... C'était encore moins pire que... Ah oui, comme vous dites, c'était vraiment de la bibine par rapport à ce qu'on vit actuellement. Celui qui ne gueule pas la vérité lorsqu'il connaît la vérité se fait le complice des menteurs et des faussaires. Charles Péguy. Oui, justement, il y a eu de nombreux écrivains et philosophes qui ont dit la même chose. C'était Camus qui disait aussi celui qui regarde accomplir un crime sans le dénoncer est plus coupable que celui qui le commet. Donc, moi, je trouve qu'on n'a pas le droit, sachant tout ça, de ne pas le dénoncer. Or, vous savez, tout ça, ça vient du fait que les laboratoires, parce que je reviens toujours aux laboratoires qui sont mes... Michel Foucault, justement, qui est un philosophe bien connu, disait « La médecine ne se contente pas de soigner, elle tue, non par ignorance, mais par savoir. » Alors, effectivement, l'industrie pharmaceutique, qui devrait fabriquer des médicaments pour soigner les gens malades uniquement, fabrique maintenant des maladies pour vendre les médicaments. Donc, vous voyez où on va. On fabrique des maladies, vous voyez très bien comment ça se passe à tout point de vue. Donc, à partir du moment où on fabrique des gens malades, ces gens ne sont plus responsables et on a la même base sur l'humanité entière. L'écologiste, qui est un journal extrêmement intéressant, disait en automne 2000, la bonne santé porte préjudice à la rentabilité du capital. Tout sera donc fait pour s'en débarrasser. Le professeur Didier Sicard, je voudrais faire trois citations comme ça qui viennent quand même de gens extrêmement sérieux, admiré par beaucoup de gens, qui est chef de service à l'hôpital Cochin, président du comité national d'éthique, a dit « S'il n'y avait que de vrais malades à soigner, la médecine serait en situation économiquement difficile. Il faut donc convaincre l'ensemble de la population qu'elle est potentiellement malade et vendre des médicaments à ceux qui n'en ont pas besoin. » On se trouve maintenant devant le docteur Knock de Jules Romain. Et Jean-Paul Escande, le professeur Jean-Paul Escande aussi, disait « La meilleure façon de faire consommer de la médecine est de nourrir la légende du corps fragile et de ses agresseurs surpuissants. » Donc vous voyez, on a enseigné à l'être humain que la maladie est une chose normale. Et les laboratoires ont réussi une OPA extraordinaire sur l'être humain. Ils ont réussi à médicaliser la santé. Quel média a parlé de ces infirmières, il y a quelques années, des infirmières de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui avaient déclaré la tuberculose alors qu'elles avaient été vaccinées contre le BCG, par le BCG? Ah oui, mais ça y en a. On sait très bien que le BCG n'a jamais protégé. Du reste, tout le monde voudrait l'arrêter, y compris la plupart des médecins. Mais évidemment, il y a des instances très fortes qui poussent. Le ministère a certainement, des fortes poussées de tous les laboratoires qui financent, on le sait, en France comme ailleurs, les partis politiques, etc., etc. Cela voudrait dire que des scientifiques du monde entier sembleraient dire aujourd'hui, vous savez, hein, c'est le chapitre de votre livre, Les dogmes qui chancellent, que les produits appelés vaccins seraient totalement inefficaces. Ça, je l'ai développé dans des quantités de livres. Ils ne sont pas complètement totalement, puisqu'ils arrivent à tuer des gens ou à les rendre malades. Donc, ils ne sont pas inefficaces. Mais ils n'ont peut-être pas l'efficacité qu'on leur demande. Donc, sans entrer dans la polémique des vaccins, parce que c'est encore quelque chose, c'est encore un dogme, ça. Mais je voudrais quand même, vous savez, les gens vous disent, oui, mais on est obligé d'avoir des laboratoires parce qu'on est malade. On est obligé d'avoir l'industrie pharmaceutique est extrêmement importante. Et vous savez qu'aux États-Unis, grâce à la peur du terrorisme, on est arrivé à promulguer des lois qui font que maintenant, les malades, victimes soit d'effets secondaires des médicaments, soit victimes des effets secondaires des vaccins, ne peuvent plus porter plainte contre les laboratoires, car les laboratoires ont menacé de ne plus fabriquer de vaccins pour protéger du terrorisme. C'est un chantage, alors. Ah, mais c'est un chantage. Mais on sait très bien que le gouvernement des États-Unis est complètement pourri. Je donne toutes les informations. Oui, vous avez bien dit le gouvernement, hein. Mais tous les Américains ne sont pas pourris. Oui. Mais les Américains sont un peu comme les Français, ce sont des moutons un peu. Nous sommes quand même des moutons, pas tous. Mmh. Heureusement, vous ne l'êtes pas, moi je ne suis pas, j'espère. Mais la plupart des gens vous disent, oui, bon, vous comprenez. Alors il y a deux sortes. Il y a les gens qui vous disent, si c'était vrai, ça se saurait. On le dirait sur TF1, etc. On le dirait pas sur ici, maintenant, on le dirait partout. Ce qui n'est pas vrai. Et ensuite, il y a ceux qui vous disent, oui, mais écoutez, la vie est déjà tellement compliquée que si en plus, il faut s'intéresser à tout ça, on n'en sortira pas. Mmh. Alors donc, on est arrivé, et alors on a infantilisé les gens, parce que vous avez remarqué qu'à partir de la naissance, on est pris en main par les laboratoires. D'abord, avant la naissance, on fait des quantités de tests, vous avez bien vu, la grossesse et tout, alors qu'on sait que c'est très dangereux de soumettre un bébé à des rayonnements. Dès la naissance, on vaccine les enfants, on les médicalise dès la naissance. Ensuite, à la puberté, on vous médicalise en disant vous avez de l'acné, vous êtes stressé, donc il faut prendre du Prozac, vous avez de l'acné, vous allez prendre d'autres médicaments, etc., etc., au lieu de se dire qu'avec la puberté, il est normal d'avoir 3 boutons sur la figure et qu'ils passeront tranquillement. La sexualité est maintenant prise en main. Je reçois à peu près tous les jours 200 emails sur le Viagra, avec des choses absolument épouvantables, mais malheureusement on peut pas l'enlever. On a créé une pilule du désir pour les femmes. Il y a eu l'OPA extraordinaire. À partir de 50 ans, toutes les femmes, c'est-à-dire la moitié de la population française et du monde, est sous traitement hormonaux. Vous vous rendez compte ce que ça représente pour les laboratoires? Alors, on sait très bien que les hormones de substitution sont très dangereuses. On raconte que ça empêche l'ostéoporose. Il n'y a aucune preuve scientifique à cela. À un moment de la vieillesse, on vous donne du Prozac. La chimie est omniprésente dans la vie. Tout ça résulte de la désinformation. C'est pour ça que je crois qu'il faut informer les gens. C'est très, très important. Connaissez-vous Jean-Pierre Joseph? Oui, évidemment. Jean-Pierre Joseph vient d'écrire un long article que l'on peut retrouver sur le net. Vaccins, mais alors, on nous aurait menti, ils sont inefficaces, nous rendent malades, détruisent notre immunité naturelle, mais ils sont obligatoires. Jean-Pierre Joseph est avocat au barreau de Grenoble. Il a été chargé de cours de droit comparé à l'université de Glasgow. Enfin bon, il a écrit Les radis de la colère. Voilà, où il me cite énormément du reste. Oui. Et moi, je ne connaissais pas à l'époque, il avait cité mon livre complètement. Mais il y a beaucoup d'avocats qui sont d'accord avec nous, parce que les avocats sont confrontés à des cas médicaux extrêmement graves à la suite de prise de médicaments ou de vaccination, et ils se rendent compte que le consommateur n'est pas du tout écouté. J'ai eu ce matin justement quelqu'un au téléphone, une Anglaise, vous savez, il y a eu des problèmes avec le ROR en Angleterre, qui s'appelle là-bas le MMR. Il y a un procès qui est en cours depuis plusieurs années, et je lui ai demandé où c'en était, elle m'a dit, mais c'est complètement bloqué par les laboratoires. Alors, il y a un juge très pugnace qui serait tout à fait d'accord avec justement tous les avocats dont nous parlons, et malheureusement, ce juge n'arrive pas à faire avancer l'affaire parce que les laboratoires sont tout puissants. Mais en quoi le vaccin peut être dangereux? Peut-être parler de la fabrication? Oui, alors si on veut parler de la fabrication, il y a de toute façon... Comme c'est un de vos dadas, oui, le vaccin. On peut en parler, j'en ai déjà tellement parlé chez vous. Mais oui, mais continuons. Je peux en reparler. Effectivement, de toute façon, il y a des quantités de produits toxiques dans les vaccins. Et il y a surtout des virus ou des microbes qu'on introduit chez des gens qui sont en bonne santé pour les préserver d'une maladie qu'ils ne rencontreront sans doute jamais. Donc déjà, c'est complètement... L'idée elle-même du vaccin est aberrante. Ensuite, il y a dans les vaccins des métaux lourds, il y a du mercure, il y a de l'aluminium. Vous savez qu'il y a des problèmes avec l'aluminium, mais on vous dit, mais non, l'aluminium n'est pas mauvais. Vous savez qu'en Suède, on a demandé à tous les gens de jeter les casseroles en aluminium, et sur les casseroles qu'on vend tout de même, il est écrit que ça favorise la maladie d'Alzheimer. Or, tous nos vaccins sont faits à base d'aluminium. Il y a maintenant la myofasciite macrophage, qui est une chose extrêmement dangereuse, une maladie dangereuse. On continue à la nier, à dire que ça n'existe pas. Moi, je suis en rapport avec des quantités de malades qui souffrent tout le temps. Il y a de plus en plus de myofasciite macrophage, et on n'en parle jamais. Donc, et de toute façon, les maladies d'enfance, ce sont surtout les maladies d'enfance contre lesquelles on vaccine, sont extrêmement utiles. Les maladies d'enfance forment le système immunitaire, et quand un enfant a eu la rougeole, par exemple, on sait que la rougeole peut protéger des allergies. Maintenant, on n'a plus la rougeole, on n'a plus toutes ces maladies-là. C'est vrai que ça les a un tout petit peu supprimées. Mais justement, est-ce que les vaccins ont enrayé les épidémies? Non. À ça, de toute façon, les vaccins sont toujours arrivés après les épidémies. Alors, il y a une chose importante à dire, c'est que quand on nous montre des graphiques, moi je me suis confronté comme ça avec des gens au ministère de la Santé qui vous disent, mais regardez, nous avons le graphique là, telle maladie a commencé à disparaître au moment où on a introduit la vaccination. En vérité, la maladie avait commencé à disparaître 200 ans plus tôt, et ou 100 ans plus tôt, ça dépend des cas, et disparaissait peu à peu. Et au moment où la maladie commençait à arriver vraiment à la fin de sa toxicité, si on peut dire, on a introduit les vaccins. Alors évidemment, ça a continué à baisser. Mais quand on a, en général, le graphique de toute la baisse des maladies, on se rend compte que c'est au moment où on a introduit le vaccin que la baisse qui était spectaculaire s'est ralentie tout de même. Mais ça continue à baisser. Alors maintenant, on donne ça au crédit du vaccin, alors que ça n'a aucun rapport avec le vaccin. Saviez-vous qu'en 1957, revenons quelques années, de longues années en arrière, le 5 décembre 1957, 101 députés socialistes avaient déposé une proposition de loi tendant à abroger l'obligation vaccinale. Il y avait Gaston Defer, M. Capdeville, M. Savary. Oui. Mais vous vous souvenez? Oui, absolument. Mais il y en a eu. Avant, on avait commencé aussi. Ça a commencé dès les vaccins obligatoires. En 38, il y a eu des quantités d'hommes politiques qui se sont insurgés contre la vaccination. Mais ça n'a pas eu de. Vous savez, c'est toujours pareil. C'est une question d'argent. Quand on aura compris que c'est l'argent qui mène le monde et que la maladie rapporte, et donc les vaccins rapportent. Vous savez que les vaccins, c'est un marché extraordinaire. L'histoire de la grippe aviaire, par exemple, a fait la fortune des laboratoires, parce que les gens se sont précipités sur le vaccin contre la grippe, qui n'a aucun rapport avec la grippe aviaire, en croyant que ça allait protéger. Mais ce n'est pas un vaccin, c'est un antiviral, là, pour l'instant. Vous pensez au Tamiflu? Ah non, je pense au vaccin. On a pris le vaccin contre la grippe classique, en croyant que ça protégerait la grippe aviaire. Or, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport, mais on a continué à le faire. Et évidemment, la plupart des médias se sont empressés de dire « ils vont vous faire vacciner ». On ne sait jamais. Alors, ne parlons pas du Tamiflu. J'en parle beaucoup dans mon Tamiflu, comme on dit en France. J'en parle dans mon livre aussi, qui a rapporté des milliards au laboratoire pharmaceutique, et particulièrement M. Rumfeld. Rumfeld, oui. Oui. Qui était propriétaire de... Alors maintenant, ils se mangent entre eux, parce qu'il y a eu... Roche a racheté les droits du Tamiflu, et puis maintenant, ils estiment qu'ils ont été malhonnêtes dans leur achat. Enfin, il y a des procès entre eux. C'est vraiment, vous savez, ce sont les loups qui se mangent entre eux. C'est monstrueux. Encore, les loups, c'est pas gentil pour les loups, ce que je suis en train de dire. Ce sont vraiment des gangsters. Et quand Philippe Desbrosses parle du crime institutionnel, le mot crime n'est pas très fort. Si je peux vous raconter une histoire qui est quand même extrêmement importante, il y a une expérience qui se fait comme ça à grande échelle aux États-Unis depuis pas mal de temps. Ça se fait sur des enfants qui sont séropositifs et qu'on a retirés à leur mère, qui étaient séropositives. Il y a comme ça 23 000 enfants, ce qui pour des expériences, c'est énorme comme nombre de cobayes humains. On retire ces enfants à leur mère et ils sont placés sous la garde de l'État américain. Ça se passe aux États-Unis, mais ça se passe ailleurs aussi. Bon. Ces enfants servent de cobayes pour essayer des médicaments contre le sida. Ces médicaments sont des antiviraux extrêmement puissants qu'on leur donne à des doses très supérieures à celles qu'on donne d'habitude et en mettant 7 à 8 à la fois. On prend des bébés à partir de 2 mois. Et ces enfants, quand ils refusent de le prendre, et pour les bébés c'est la même chose, on les opère, on leur met un tube dans l'estomac, et c'est grâce à ce tube qu'on nourrit ces enfants avec ces antiviraux. Il est évident qu'il en meurt beaucoup. Et chaque fois qu'un enfant meurt, on dit qu'il a été tué par le sida. Ils n'ont pas le sida, ils sont simplement séropositifs, parce que leur mère l'était. Être séropositif, ça ne veut pas dire qu'on va mourir du tout, au contraire. Or, il y a eu des essais, on a essayé d'arrêter ça, il y a eu quand même des questions qui ont été posées aux États-Unis, mais chaque fois on ment. Il y a eu des femmes qui ont essayé d'adopter ces enfants pour les sortir de là tellement elles étaient affolées. Elles ont arrêté les antirétroviraux et immédiatement les enfants ont retrouvé la santé. Chaque fois on les a repris à leur mère adoptive, quand ils étaient adoptables, en disant que c'était affreux, que c'était non-assistance à personne en danger, etc., etc. Ça se passe avec la complicité du gouvernement américain. Bon, de la part de Bush, personne ne sera surprise. Mais ça se passe aussi avec la complicité de la ville de New York, avec la complicité de l'église presbytérienne, avec la complicité de l'université de Columbia, et évidemment, avec des quantités de laboratoires. Alors, de toute façon, il y a eu une émission qui a été faite à la BBC. Hein, je n'ai rien inventé. Je suis en rapport avec le journaliste américain qui a découvert tout ça et qui m'a raconté. Moi, j'y suis pas allée, mais il m'a raconté sa visite à cet endroit-là, dans tous les hôpitaux où on trouve ses enfants, particulièrement un endroit à New York qui s'appelle Washington Heights. Et ses enfants, il m'a dit que c'était l'horreur. Quand il est sorti de là, il a mis plusieurs jours à s'en remettre. Il y a eu une émission qui est parue à la BBC. Qui a raconté tout ça en détail. Il est évident que la France n'achètera jamais une émission pareille. Et il est évident que... Alors on vous dit, oui, mais enfin, vous savez, ça se passe loin. J'ai eu un jour, j'ai dîné comme ça avec des avocats qui défendaient les laboratoires, qui m'ont dit, oui, mais il faut bien qu'il y ait des gens qui servent de cobayes pour sauver les autres. Il y a des gens qui doivent se sacrifier. Je dis, et si c'était vos enfants? Ah, il me dit, là n'est pas la question. Je dis, si, c'est la question. Parce que les enfants qu'on prend, ces 23 000 enfants, sont évidemment des enfants issus de communautés pauvres, noires de préférence ou hispaniques. On prend pas le petit américain bleu aux yeux bleus avec un père milliardaire. Évidemment pas. Donc, quand vous voyez des choses comme ça, on peut pas ne pas le crier haut et fort. On ne peut pas le dénoncer. J'ai écrit plusieurs articles dans des journaux français et j'ai eu des lettres de médecins, dont je ne citerai évidemment pas le nom, et qui ont dit tout ce que vous dites, ça se passe aussi ailleurs qu'aux États-Unis. Donc vous voyez à quel point nous en sommes, quelle est la force, et quand je parle de dictature, donc c'est un mot très très très doux. Vous souvenez de ce que Kouchner avait déclaré en 1997? Parce que De Gaulle nous a traité de veaux. Vous savez, il a eu aussi une phrase à propos des chercheurs. Oui. Ah oui, ça se passait justement, c'est Mirko Beljanski qui m'a raconté ça, parce qu'il était là ce jour-là. Effectivement, De Gaulle visitait l'Institut Pasteur, et il y avait à l'époque le professeur, j'ai un trou, qui venait d'avoir le prix Nobel. La phrase de De Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. C'est pas ça. C'est pas celle-là. Attendez, ça revient au même parce que ça a été changé. Je la trouve savoureuse. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Oui. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Oui, mais ça a été modulé après. C'est très bon. Mais la vérité, c'est que De Gaulle... Alors on lui présentait justement le professeur untel. Alors voilà le chercheur untel, voilà le chercheur untel, voilà le chercheur untel. Et tout d'un coup, De Gaulle le coupe et lui dit, oui, mais je voudrais aussi trouver les trouveurs, s'il vous plaît. Bon, et alors depuis on a glosé là-dessus, on l'a changé, mais ça c'était exact, et Mirko Beljanski était là ce jour-là, c'était vraiment étonnant. Beljanski qui a soigné François Mitterrand. Qui a soigné François Mitterrand. Mais il ne l'a pas guéri. Non mais attendez, il a quand même maintenu pendant très très longtemps, et Mitterrand était quand même très très très malade quand il a commencé à être soigné, gratuitement je dois dire, par les produits Beljanski. Mais effectivement, ça a été très... Après, Mitterrand avait dit qu'il allait faire quelque chose pour Beljanski, il n'a rien fait du tout une fois qu'il est mort. Écoutez, il y a eu un arrêt du 7 février 2002 à propos de Beljanski. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, par arrêt du 7 février 2002, à verser 4 500 euros pour dommage moral. Entre-temps, ce malheureux est mort des tracasseries qu'on lui a faites. Souvenons-nous aussi, c'est très récent, le docteur Hamer, qui a été libéré de la prison de Fleury-Mérogis. Exactement, mais il faut quand même dire que, justement, Beljanski a été blanchi, les produits ont été blanchis, mais ils n'ont toujours pas le droit d'être vendus en France. Donc si vous trouvez que c'est pas une dictature, ça c'est quoi? Et ils ont eu 4000 euros de la Cour européenne. Mais vous savez ce que les procès ont coûté? Beaucoup plus que 4000 euros. Oui. Ça a coûté des millions. Ils ont été ruinés. Leurs biens ont été saisis. Ça voudrait dire que les chercheurs qui trouvent sont neutralisés? Ah, mais totalement. Totalement. Alors là, il y a des quantités. Sauf si ça rapporte. Mais non, parce que le vrai chercheur qui dénonce quelque chose est automatiquement jeté. Et dans tous les pays, c'est la même chose. Il y a eu comme ça, effectivement, des chercheurs aux États-Unis particulièrement, ou en Angleterre, qui ont été complètement évincés parce qu'ils avaient osé annoncer des choses véritables, vous voyez. On les a complètement éliminés, tous les uns après les autres. Et c'est là que les chercheurs ont très peur. Ils n'osent pas... Je cherche. Il y a eu comme ça, justement, à une époque, puisqu'on parlait de vaccination, il y a eu un vaccin anti-polio qui a été pollué par le virus le SV40, du singe. À l'époque, on vaccinait avec ce vaccin toutes les populations. Il y a eu des quantités de gens qui ont été vaccinés. Et il y a eu un chercheur qui s'appelait Bernie Siddy, qui était une femme américaine, qui a commencé à parler et à dire attention, voilà ce SV40 qu'on trouve dans les vaccins est cancérigène. Alors on l'a prié de se taire. Alors elle a commencé à se taire et puis au bout de quelques temps, au cours d'un meeting sur le cancer, elle a osé dire ce qui s'est passé. C'était en 1960. Elle a été jetée, elle a perdu tous ses crédits de recherche et elle a été éliminée. Et c'est en 1960 qu'elle a découvert ça, c'était le vaccin polio de Salk. Et jusqu'en 1963, on a distribué ce vaccin à 600 millions de personnes dans le monde. Mmh. Bon. Oui, mais et elle a été jetée, elle a perdu sa situation. Sylvie Simon, il n'y a pas de sang. Je pense à un Jacques Benveniste qui a été vraiment éliminé. Il a été éliminé on aussi. On peut tuer sans faire couler. On peut tuer sans faire couler. Ouais. Il y a eu comme ça, en Angleterre, un chercheur, un médecin qui s'appelle Andrew Wakefield, qui est un gastro-entérologue qui travaillait au Royal Free Hospital. Il a travaillé sur les méfaits du ROR par rapport à l'autisme. Il a été critiqué, il a été prié de quitter l'hôpital du jour au lendemain comme s'il avait volé dans la caisse au Royal Free Hospital de Londres. Il a été expulsé. Heureusement, les Américains, qui sont plus libres que nous pour certaines choses, pas pour tout, hélas, lui ont ouvert les portes et maintenant il fait de la recherche sur toujours cette chose-là. Mais il a perdu complètement sa situation. Il y a un professeur qui s'appelait Arpad Pourzai qui a osé déclarer un jour à la télévision que les souris qui étaient nourries avec des OGM avait des pathologies extrêmement graves. Il a été jeté du jour au lendemain de l'institut de recherche où il travaillait. Et il y a en France, sans aller si loin, il y a un médecin qui s'appelle le docteur Marc Girard, qui a beaucoup travaillé sur l'hépatite B, qui a dénoncé l'hépatite B. L'État lui doit des millions parce qu'il a fait des expertises pour des médicaments pour les laboratoires, mais comme il n'a pas dit ce qu'on attendait de lui, il a dit au contraire ce qu'il a trouvé, justement. Il est poursuivi de tous les côtés, il est discrédité, on essaie de le faire taire à tout prix. Il m'a dit, chaque fois que je rentre chez moi, je regarde s'il n'y a pas quelqu'un derrière la porte. Voudriez-vous dire que le système actuel aurait tendance à ce que nous soyons dans un état de santé précaire? Mais non, ils n'ont pas tendance, c'est certain. Oui. Et non précaire, plus on sera malade. Vous savez, les gens malades sont des gens qui n'ont plus beaucoup de volonté. Ce sont des gens assistés, c'est tout ce qu'on demande aux gens. Sois malade et tais-toi. Ça fait tourner quelle machine alors? La machine de qui? Ça fait rentrer de l'argent où? Ça fait rentrer de l'argent des laboratoires qui les distribuent généreusement tout autour d'eux. Ça rapporte des milliards, mais vous savez que les laboratoires sont des États, dans l'État, beaucoup plus puissants que nos États. Les laboratoires sont beaucoup plus riches que le gouvernement français, que certains gouvernements. C'est tout. Ça fait rentrer énormément d'argent. Donc, les gêneurs, on les jette. Il y a eu comme ça, comment ça s'appelle en Angleterre, le gouvernement Blair a nommé au ministère de la Recherche un homme qui s'appelait Sainsbury, qui est devenu l'or depuis. On l'a anobli, j'aime beaucoup. Et il est propriétaire de plusieurs usines de biotechnologie. Et c'est lui qui dirige justement la recherche et l'environnement. Donc comment voulez-vous que tout est comme ça? Alors lui, il n'a pas été éjecté, évidemment. C'est un type qui fait de la recherche, mais une recherche totalement, orientée, vous voyez. La vaccination est obligatoire en France. Combien de vaccins obligatoires? 3, 4? Non, il y en a 4. Maintenant, j'ai remarqué justement, je viens de recevoir encore les nouveaux conseils de vaccination. Autrefois, il y avait obligatoire et non obligatoire. Maintenant, il y a simplement tous les vaccins recommandés. On fait l'amalgame et on les mélange tous. D'autant que maintenant, on fabrique des vaccins où vous avez 3 ou 4 ou 5 valences, dont certaines qui ne sont pas obligatoires. Et les gens se font vacciner. Vous savez que à un moment, j'ai lu dans un journal sérieux, l'hépatite B n'est plus obligatoire. Ça n'a jamais été obligatoire pour la population normale. Le ROR, on vous fait croire que c'est obligatoire pour l'entrée des crèches. Ça n'est pas vrai. Il n'y a que 4 vaccins obligatoires en France, qui sont le diphtérie, tétanos, polio et le BCG. C'est tout. Les autres ne sont pas obligatoires, mais on les exige pour l'entrée en crèche. Donc le fait que ce soit pas obligatoire ne change rien. Ça n'est pas obligatoire, mais on vaccine quand même à tour de bras. Et dans les pays européens où rien n'est obligatoire, parce que nous sommes les champions de l'obligation vaccinale, eh bien on vaccine beaucoup aussi parce que le pouvoir des lobbies est tellement fort, ils ont les médias, ils ont tout. Mmh. Vous avez vu comment on affole la population, vous avez vu l'histoire de la grippe aviaire. Mmh. Il y a eu quand même des médecins qui ont osé publier un livre disant 500 000 morts en France, point d'interrogation. Ça voulait dire point d'exclamation. Il va y avoir 500 000 morts en France. Mais c'est normal, il me semble, que d'affoler et affoler et affoler encore. Exactement. Hein? Mais les gens, oui, mais c'est là que les gens devraient dire ça pas vrai. Or, si les gens se posaient la question, vous avez vu cette pandémie de la grippe aviaire qui a tué, il faut le dire, 67 ou 68 personnes en 3 ans. Dans le monde. On a dépassé la centaine, mais enfin, la centaine par rapport Non, parce que dans les prouvés, il n'y a pas encore la centaine. Mais même s'il y avait une centaine, même s'il y avait 1 000, ça n'est rien par rapport à des quantités de pathologies pour lesquelles dont on ne se préoccupe pas, parce qu'il n'y a pas de médicaments pour ça, parce qu'on n'a pas trouvé, parce que ça s'adresse à des pays pauvres qui n'ont pas les moyens d'acheter les médicaments. Si on voulait lutter contre le paludisme, on l'aurait fait depuis longtemps. Il n'y a pas de vaccin, on ne peut pas vendre de vaccin, donc ça n'intéresse. Il y a des quantités de choses qui n'intéressent personne. Combien de personnes ont été contaminées par l'hépatite B en milliards? Oui, très peu, parce que vous savez que de toute façon, même quand vous avez l'hépatite B, attendez, là, on a fait l'amalgame. Je reprends un article. Oui. Vous écrivez, il y a 5 milliards d'individus qui ont été contaminés par l'hépatite B. Or, personne n'a dit que c'était une énormité. J'ai retrouvé cet article, vous l'avez écrit lors des rencontres de Biosi en 2002. Liberté thérapeutique et vaccinale, par Sylvie Simon, journaliste et écrivain. Mais moi, j'ai pas écrit ça dans mes livres. Vous savez, on m'a souvent fait dire des... Parce que 5 milliards de personnes, non. C'est pas moi qui dis ça. Non, je l'ai dit en riant. J'ai dit, on nous a dit que 5 milliards de personnes avaient été contaminées. Oui. Alors qu'il y a... C'est pas moi qui ai dit ça. D'accord, oui. Ah non, vous m'inquiétiez. On a fait courir le bruit. On a dit, à l'époque, il y a eu un médecin connu qui a dit, il y a eu 5 milliards de personnes qui a été contaminées. Alors qu'il y a 6 milliards de personnes sur la Terre, ça veut dire que 80% de la population a été contaminée par l'hépatite B. Mmh. Ce qui est une ânerie énorme. Ça fait partie des mensonges dont je vous ai parlé. Mais effectivement, de toute façon, je ne sais pas quelle... On n'a pas le chiffre. Hein. On n'a pas de chiffre parce que la plupart des gens qui ont l'hépatite B, ça, on ne s'en rend pas compte. Il y a 95% des gens qui ont eu une hépatite B sans être malade. On ne l'a pas dit. Et sur les 5% qui ont senti qu'ils avaient une hépatite, sur les 5%, 95% ont encore guéri spontanément. Du reste, c'est l'OMS, je crois, et même il y a eu plusieurs journaux qui ont publié ça, on dit l'hépatite B n'est pas une maladie grave, il n'est même pas nécessaire de donner de médicaments. Mmh. On en a fait un plat énorme, exactement comme la grippe aviaire. Mais alors je voudrais en revenir quand même à une chose énorme qui devrait se faire se poser des gens. Le vaccin qui est cultivé sur une glande mammaire de la souris, il me semble. Hein, le quoi le... Pour l'hépatite B. Pour l'hépatite B, on appelle ça des cellules immortelles. Immortelles, mais en vérité, c'est une tumeur, mammaire de la souris. C'est pas une glande, c'est la tumeur, mammaire de la souris. Une tumeur, oui. Ce qui est encore mieux. D'accord. Un des deux vaccins, hein, c'est le vaccin Smith-Klein. Bon, le vaccin français, on n'a pas pu le savoir. Mais c'est quand même assez curieux. On nous raconte comme ça des choses énormes. Et vous voyez, je reviens à la grippe aviaire. Cette pandémie, vous avez vu qu'il a suffi qu'il y ait des milliers de jeunes qui descendent dans la rue pour parler du CPE. La grippe a disparu du jour au lendemain. Quand c'est une pandémie qui menace la santé du monde entier, c'est pas le CPE qui peut la détruire. Alors moi, j'ai trouvé que le meilleur vaccin contre la grippe aviaire, c'était vraiment le CPE. Donc si les gens se posaient des questions, et ça, dans le milieu médical, personne n'a été dupe. Hein, l'histoire de la grippe aviaire, tout le monde sait que c'est uniquement une question de gros sous. Mmh. Ce sont des OPA réussis. Justement, combien représente en pourcentage le budget de la recherche en France? Oh, le budget de la recherche officiellement est tout petit. Hein. Oui. Le budget de l'État est petit. C'est pour ça que l'État est trop content que ce soit les laboratoires qui financent la recherche. Mais les médecins qui font de la recherche dans les hôpitaux, vous savez qu'il y a eu des quantités de gens qui servent de cobayes en France. Il y a eu, j'avais le chiffre... Avec ou sans leur assentiment? Vous savez, on vous dit, vous allez signer un protocole d'accord. Le protocole est écrit en tout petit, c'est écrit en hébreu, parce que vous savez que les médecins, en général, se débrouillent pour employer des mots que personne ne comprend. Et on vous dit, dans les hôpitaux par exemple, écoutez, signez un papier pour dire que vous êtes d'accord, etc. Et les gens signent sans regarder. Mais Science et Vie, en 99, publiait qu'en France, chaque année, 300 000 malades servent de cobayes au labo. Alors évidemment, les essais sont faits en milieu hospitalier, il y a une opacité totale. Et la générosité des labos pour certains médecins double leur salaire. Ça, c'est Capital qui disait ça en 98. Il y a eu comme ça dans Capital un article extrêmement intéressant sur les labos qui ont fait la main basse sur la santé publique. Toujours en préparant cette émission, une dépêche aussi, parce qu'il faut lire l'actualité. Ah, mais il faut. Surtout celle qui n'est pas donnée. Évidemment. Sur les médias, radio, télévision. Ou qui passe vite et puis qui disparaît après. Ah oui. Savez-vous combien de temps passe un médecin généraliste lors d'une consultation? C'est une moyenne. Hein. Chacun pourra retrouver cette dépêche sur Yahoo Actualité ou Google Actualité. Je ne connais pas le chiffre, mais je trouve quand ils ont passé 10 minutes en moyenne... 16 minutes. Ah bon, 16 minutes. En moyenne. En moyenne. Oui, mais il y en a beaucoup qui mettent 3 ou 4 minutes en vous donnant. Et parce que non, vous êtes mauvaise langue. Non, alors, beaucoup de médecins actuels, il y a des vrais médecins, mais il y en a de moins en moins parce qu'on les poursuit sans arrêt. Il y a beaucoup de médecins maintenant ne sont plus des médecins, ce sont des distributeurs de médicaments. Je ne vois pas pourquoi on fait des études de médecine si longues pour faire des distributions de médicaments qui, de toute façon, le médecin n'est pas responsable. Du moment que ce médicament a eu son AMM, quand il le donne, ah bien, il est complètement couvert. Et quand sur l'AMM, quand sur le médicament, il y a écrit « attention, il y a quand même quelques contre-indications », du moment que la personne a reçu, a acheté le médicament et que sur le mode d'emploi, il y a les réserves des contre-indications, personne n'est poursuivi. Mais c'est aussi récent, hein, l'actualité. J'ai décidé de consacrer cet après-midi à cette actualité, la santé, hein, pas la maladie. Mais non. La santé, c'est... Mais la santé n'intéresse personne. Ah bon? Mais comment voulez-vous intéresser les laboratoires plusieurs si vous n'êtes jamais produits, malade? Plusieurs produits viennent d'être interdits dans des cosmétiques. Mmh. Ces produits n'ayant jamais été testés. Oui, dans les cosmétiques. Dans les cosmétiques. Les cosmétiques. Les cosmétiques. Les cosmétiques, ça arrive très très souvent. Et on s'aperçoit d'un seul coup que ces produits sont dangereux. Voilà. Mais, mesdames, nous, les hommes, les femmes, avons utilisé ces produits. Évidemment. Et on se pose la question, mais que m'arrive-t-il? Pourquoi telle allergie, telle maladie qui apparaît? Oui, mais justement, par exemple, on a vendu pendant des années, on continue du reste, avant des odorisants qui sont à base d'aluminium, mais on a remarqué que les femmes étaient très, très touchées par les cancers du sein qui sont très près, les dessous de bras où on se met des choses comme ça. Mais il n'y a pas eu d'études qui a été faite. Il y a eu quelques études qui ont paru, mais elles ont immédiatement été occultées. Donc, on continuera à vendre des médicaments, on continuera à vendre des produits effectivement de beauté, très dangereusement. Vous avez bien vu tout ce qu'on peut faire à ce point de vue-là. On a vendu comme ça des produits pour enlever les rides, etc. Puis on s'est rendu compte que c'était cancérigène après. Mais ça fait partie du jeu. Et ces gens-là ne sont jamais poursuivis. Ah, mais c'est un jeu qui rapporte. L'industrie pharmaceutique devrait fabriquer des médicaments pour guérir les maladies, mais elle fabrique des malades pour vendre ses produits, constatés le 16 novembre 2002, le British Medical Journal, qui titrait « L'industrie pharmaceutique a fait main basse sur les autorités sanitaires ». Exactement. C'est dans votre livre. Mais oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand même quelque chose. C'est pas moi qui le dis, voyez, on l'a dit sous tous les tons, mais on le dit très peu en France. En France, on essaie de... Je vais vous montrer un exemple, par exemple, de l'opacité française. Il y a eu un film, il y a un livre qui est paru il y a deux, trois ans, qui a été écrit par John Le Carré, vous savez, qui est un auteur très connu, qui s'appelle La conscience du jardinier. Bon, où il raconte, il dénonce les méfaits des laboratoires d'une façon virulente, mais c'est de la fiction. Et à la fin de son livre, il a écrit, tous les personnages de ce livre sont fictifs, mais je dois dire que lorsque j'ai pénétré dans la jungle des laboratoires, je me suis rendu compte que mon livre n'était qu'une pâle carte postale par rapport à la réalité. On a fait un film avec son livre, il est sorti à Londres, et à Londres, le film, à la fin du film, à la fin du générique, on voyait la phrase de John Le Carré disant « c'est une pâle ». On a passé le film à Paris, il n'y avait plus ça. On a supprimé, mon film n'est qu'une pâle carte postale par rapport à la réalité. Pourquoi ? Les laboratoires sont intervenus. Donc ils interviennent dans tous les domaines, même dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie cinématographique. Vous vous rendez compte, c'est vraiment, quand je parle de dictature, c'est une totale dictature. Et pourtant Einstein, Albert, pour les intimes, déclarait déjà en 1946, il faut prévenir les hommes qu'ils sont en danger de mort, la science devient criminelle. Voilà, c'est pas moi qui dis ça, avons-nous, c'est Einstein. Avons-nous encore souvenance de cette phrase Bien, la plupart des gens ne la connaissent pas. Oui. Moi je le répète parce que je trouve qu'il faut répéter, il faut répéter sans arrêt pour que les gens se le mettent dans la tête. Moi-même, j'ai beaucoup de gens qui ont lu mes livres et qui me disent après, ah c'est dommage que vous n'ayez pas parlé de tel sujet. Je dis comment, il y a un chapitre entier qui leur est réservé. Ah mais vous savez, votre livre, je l'ai lu rapidement et j'ai oublié. Bah, écoutez, si j'écris des choses avec des précisions, avec des dates, avec des informations comme j'en donne, j'aimerais bien que les gens essaient de se le rappeler parce que c'est quand même très très important. Il faut se rappeler toutes ces choses-là. Alors les médias nous rappellent à longueur d'émission que la France est le plus grand consommateur. Mais il ne me semble pas qu'il y ait de quoi en être fier. Ah non, non, mais c'est récent ça qu'on ose le dire, hein, parce oui. que jusqu'à maintenant, on n'en parlait pas. On oui, a été le oui. plus grand consommateur de produits chimiques, de psychotropes. J'avais fait le calcul de tout ça dans un de mes livres en donnant les chiffres. On est parmi les plus grands consommateurs. Vous vous rendez compte qu'on arrive à consommer beaucoup plus de psychotropes que les Américains. Or, quand on voit les films américains, on les voit toujours ouvrir leur armoire à pharmacie et prendre des produits pour dormir, des produits contre des anxiogènes, etc., etc. Et maintenant, on ne dit plus rien. On les bat. On est plus qu'eux. C'est effrayant. À ce point de vue-là, vous savez qu'il y a eu, justement, il y a eu une étude qui a été faite sur les enfants qui sont... Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont un petit peu agités, qui disent, bon, ils ont de quoi l'être. Eh bien, il y a eu l'INSERM qui a fait une étude en disant que maintenant, dès l'âge de 3 ans, on devait voir si les enfants seront des futurs délinquants. Alors, j'ai vu cette enquête. Vous avez vu cette enquête. Commanditée par l'actuel ministre de l'Intérieur. Oui, alors justement, Monsieur Sarkozy voudrait s'en servir. Elle n'a pas été commanditée par lui, elle a été commanditée par le ministère de la Santé. Hein. Mais, enfin, mais il est partout. Oui, hein. Mais il va Nicolas, en profiter. Il s'en sort bien de partout. Exactement. Avec alors, la salle qui a terminé ses 39 jours de... Alors maintenant, il voudrait qu'on fasse un carnet de comportement des enfants à partir de l'âge de 3 ans pour savoir ceux qui risquent d'être des délinquants plus tard. Donc, l'école va devenir un centre de triage pour futurs délinquants. Quand on dira aux enfants, vous êtes sous surveillance parce que vous serez un futur délinquant, ça va faire les dégâts, ça va être quand même quelque chose de catastrophique. Et, bon, il y a eu quand même une montée au créneau de beaucoup de gens, hein. Dieu merci. Mais alors, ces enfants, justement, qui sont agités ou qui sont, bon, il y a de quoi être agité avec tout ce qu'on leur met dans le corps, la bouffe dégueulasse qu'on leur donne, le lait qui est bourré de cochonneries aussi, etc., etc. Donc, il est normal que ces enfants, et puis être agité, c'est pas forcément quelque chose de mal. Et on a dit que même les symptômes de cette future délinquance pouvaient être aussi le fait qu'on ne voulait pas apprendre en classe, qu'on ne voulait pas être un bon élève. Or, Monsieur Sarkozy ne sait peut-être pas que justement, puisque vous citiez Einstein était réputé être un très très mauvais élève. Et si on l'avait qualifié de délinquant quand il avait 3-4 ans, ça aurait été dramatique. Qui a parlé très tard, hein. Et qui a parlé très tard. Oui. Il y en a des quantités. Moi, je connais des quantités d'enfants qui sont des enfants absolument merveilleux, qui n'ont jamais voulu travailler en classe et qui m'ont dit, moi, j'ai un petit-fils qui m'a dit, comment veux-tu que j'écoute mon maître qui croit que l'eau, elle sort du robinet? Il a rien compris au système de la vie, ce mec-là. Bon, mais si vous voulez, j'allais pas l'attraper. Je trouvais qu'il avait bien raison de pas vouloir écouter des gens comme ça. Donc, je crois qu'il faut tout réviser dans notre société, aussi bien l'éducation que tout le reste. Et c'est pour ça que, du reste, vous avez reçu il y a quelque temps quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Vernatori, qui a un mouvement qui s'appelle La France en Action, effectivement, qui veut changer tout ça, mais sur tous les plans. On voudrait changer l'éducation, il faut changer le système de santé, il faut tout changer. Et c'est vraiment un travail énorme. Mais si les gens ne se réveillent pas, on ne changera rien. Mais serions-nous des bêlons, vous voyez, serions-nous contraints d'entrer dans le troupeau Personne n'est jamais contraint. De Panurge. Hein. Ben oui, mais de temps en temps, il y en a un qui pourrait refuser de sauter. Comment faire? Bah écoutez, comment se révolter? Ben nous on se révolte, mais on est trop peu nombreux. Oui. Alors il y a quand même une chose intéressante à ce point de vue-là. Moi j'avais été interviewée à une époque par Michel Field. Et Michel Field m'avait dit, au moment où j'avais sorti mon premier bouquin, qui s'appelait La dictature médico-scientifique. C'était le premier, mais depuis je l'ai réécrit et j'ai écrit La nouvelle dictature. Une nouvelle édition, revue, augmentée. Oh non, c'est pas une nouvelle édition. J'ai complètement changé le livre. Hein. J'ai gardé. N'ayant pas lu l'ancienne. Oui, oui. Mais là vous y allez pas avec de la cuillère. Ah, mais l'autre non plus. Hein. L'autre non plus, c'était exactement pareil. Et Michel Field m'a dit, oui, mais enfin, écoutez, vous comprenez, Sylvie Simon, vous n'êtes qu'un grain de sable. Moi, je dis, ben oui, je suis qu'un grain de sable, mais si vous saviez le nombre, les milliers de grains de sable que je connais à côté de moi, et puis je les connais, Dieu, c'est pas tout, c'est quand il y a beaucoup, beaucoup de grains de sable. Savez, d'abord, une seule goutte d'eau peut faire déborder l'océan. Et un petit grain de sable peut faire enrayer une superbe machine. Bon, nous sommes des millions de grains de sable. Et quand il y a des millions de grains de sable, ça fait des dunes. Et une dune, on ne peut pas la traverser, on ne peut que la contourner. Alors il me dit, oui, mais vous savez finalement, c'est le combat de David contre Goliath. Et moi j'ai terminé en lui disant, ah bon, mais alors monsieur Field, puisque vous connaissez vos classiques, qui a gagné? Oui, il a regardé sa montre, il m'a dit, bon, mais Sylvie Simon, je crois que nous avons terminé. Or, c'est ça le problème, c'est que nous sommes, si chacun de nous travaille, moi souvent je fais des conférences et on me dit, oui, mais vous comprenez, là vous avez 300 personnes qui vous écoutent, vous pouvez faire bouger les choses, mais moi qu'est-ce que je peux faire à ma petite échelle? Je leur dis, mais chacun de nous peut à sa petite échelle faire quelque chose. Quand nous sommes, si chacun de nous arrive à comment dirais-je, à convaincre les autres, à faire un travail de fond, eh bien, je vous assure qu'on y arrivera. Et je crois que quand on commence à travailler ensemble, on peut avoir des très bons résultats. Vous savez, il ne faut pas grand-chose pour faire bouger. Je souris en lisant cette phrase de Sartre que vous mettez dans le chapitre 10, « La nourriture qui nous empoisonne oui. ». Je parlais des moutons de Panurge. Sartre a écrit « Il y a deux sortes de bergers, ceux qui s'intéressent aux gigots et ceux qui s'intéressent à la laine ». Aucun d'eux ne s'intéresse aux moutons. Exactement, exactement. Mais il avait totalement raison. Et je crois que chacun s'intéresse. Vous savez, on est dans un monde totalement égoïste où chacun ne s'intéresse qu'à lui. Et c'est ça qu'il faudrait un peu changer, que les autres se disent qu'on est tous dans la même galère, on est tous dans le même bateau. Et en ce moment, c'est un peu le syndrome du Titanic, justement. On est tous en train d'aller au mur. Parce que si on n'arrête pas les choses, il n'y aura plus d'humanité, il n'y aura plus besoin de se faire vacciner, on sera tous morts. Si on continue à bouffer aussi mal, à polluer la terre, à tout abîmer, à tout esquinter. Et ça, je crois que les gens ne sont pas assez au courant, mais on devrait arriver à tous, tant que nous sommes, si nous travaillons ensemble, on devrait arriver à faire bouger les choses. Vous écoutez Radio Ici et maintenant 95 de Sylvie Simon est notre invitée jusqu'à 16h30 et nous accueillons Paul. Bonjour Paul. Bonjour. J'ai pris votre émission en cours. Je suis très inspiré par vos propos. J'ai trouvé sur le web une courte vidéo à l'adresse alternative-image.net. C'est au pluriel les deux mots alternative et image. www au début. Hein, www.alternative-image.net. C'est, je ne sais pas si vous avez déjà cité ça ou si vous avez connaissance de cette vidéo. Alors de quoi parle-t-elle pour... C'est les plus anciens des Français qui font appel au meilleur de l'esprit de toute la nation pour avancer dans le bon sens en fait. Je peux citer un extrait, c'est « Résister c'est créer, créer c'est résister », appel à la commémoration du 60e anniversaire du programme du Conseil national de la résistance, adopté dans la clandestinité le 15 mars. Puis je vais vous demander quel rapport avec notre émission. Et vous allez voir, oui. Des images qui ont été tournées en réaction au refus de la publication de ce texte par les médias dominants. Et on peut entendre donc Lise London, Raymond Aubrac, Henri Bartoli, Philippe de Chartres, Stéphane Hessel, Maurice Kriegel-Varnimont, enfin bon, des gens qui ont donc participé à la résistance, c'est des personnes très âgées qu'on voit à l'écran, et qui témoignent de leur refus de la société, de l'ultralibéralisme et de toute la gabegie médiatico-politique qu'on voit en ce moment. Je trouve ça très intéressant. Ça va dans le sens de vos propos. En fait. Ah d'accord, oui. Vous faites un rapprochement entre ce que vous avez lu sur Internet. Et... C'est pas une lecture, hein, c'est une vidéo. Donc oui. En plus, c'est sympathique à regarder. Et c'est très inspirant. Alors le sujet qui nous préoccupe cet après-midi avec vous, Paul, et puis avec les autres auditeurs et auditrices, ce livre écrit par Sylvie Simon, La nouvelle dictature médico-scientifique. D'accord. Donc j'étais un tout petit peu à côté de la plaque, mais pas très loin quand même. Non. Tout ça a bien un rapport, hein, on est bien d'accord. La finance qui gouverne un petit peu tout, la recherche du pouvoir et de l'argent, finalement c'est toujours pareil. Et ben la misère que ça entraîne sur tous les plans. Avez-vous une question à poser à Sylvie Simon? Ma foi, j'ai pas de questions qui me viennent. Je vais peut-être lui demander quelle est la nature de son modèle de vie sur le plan économique. Comment peut-elle trouver la place pour s'engager ainsi et gagner de l'argent malgré tout, vivre ? Ah ben, gagner de l'argent, moi j'en ai gagné beaucoup pendant longtemps parce que j'avais un autre métier, puis j'écrivais et ça me rapportait beaucoup plus que d'écrire pour mon compas. Je ne me bats pas pour gagner de l'argent du tout. Bien sûr. Beaucoup de mes livres, je donne une partie de mes livres, je donne des droits à des associations, etc., etc. Donc je ne me bats pas du tout, je fais des conférences à travers la France gratuitement, donc je ne me bats pas pour gagner de l'argent. Mais je trouve que quand on mène un combat qui est juste, on est toujours aidé, on a toujours des aides, appelez ça de l'au-delà, d'ailleurs, je ne sais pas quoi. L'information arrive sur mon bureau au fur et à mesure. Mais je crois que quand on se bat pour la bonne cause, parce que c'est ce que nous disions tout à l'heure, si nous continuons comme ça, on va vraiment au mur. Nous avons de plus en plus de maladies, les gens sont de plus en plus malades, nous avons de plus en plus de pathologies, on nous dit sans arrêt que tout va bien. Nous avons, sans arrêt, il y a des nouvelles molécules qui sont inventées, des produits chimiques, etc., et qui sont en train de tuer la planète. Il y a 100 000 molécules chimiques qui menacent l'humanité et les labos en produisent 2 000 nouveaux par an. Donc, vous voyez où on va. Alors, avec les pesticides, par exemple, vous savez qu'il y a une espèce d'accumulation. Maintenant, les insectes deviennent totalement résistants, comme les microbes sont devenus résistants aux antibiotiques. Donc, on a cru faire des progrès, et maintenant, on est en pleine rétrogradation, mais ça, on ne veut surtout pas le dire. Je vous signale qu'à une époque, on a parlé du... Je voudrais en parler, par exemple, pour vous montrer comment ça se passe. Le Roundup, vous savez, c'est un produit qu'on met dans les jardins, qui est réputé être biodégradable. C'est pas vrai, on en a retrouvé dans les nappes phréatiques. Donc, il ne faut pas dire que c'est biodégradable. Eh bien, lorsque Corinne Lepage, qui fait partie de la CRIGEM, qui a créé la CRIGEM avec un chercheur qui s'appelle Gilles-Éric Serralini, ils ont demandé au gouvernement français de leur envoyer toutes les notes sur le Roundup. Eh bien, dans un énorme document de 500 pages qu'ils n'avaient évidemment pas demandé, il y avait 15 pages qui étaient blanches avec secret défense. Je voudrais savoir comment un insecticide peut être classé secret défense. Et le gouvernement français, parce qu'en France, on bat quand même les records de tout, comme on l'a dit tout à l'heure, le gouvernement français a demandé à Bruxelles de restreindre la communication au public des études sur les risques sanitaires des OGM selon une note des autorités françaises. Alors, la note demande que pour les études de toxicité soient expressément que les études de toxicité soient expressément exclues du domaine public, car cela pourrait entacher la confiance de l'opinion publique et nuire à la position concurrentielle de l'entreprise déposant le dossier. Impressionnant. Alors Corinne Lepage a dénoncé l'attitude scandaleuse des autorités françaises, mais c'est tout le temps comme ça, et c'est absolument scandaleux. Alors justement, il y a eu, moi c'est mon grand, il y a un Indien, un chef indien Cree qui avait dit, et ça il résume la situation actuelle, lorsque le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors seulement vous vous apercevrez que l'argent ne se mange pas. Et j'ai l'impression qu'on croit pour l'instant que c'est l'argent qui fait le bonheur de tout. Et il faut absolument que nous nous réapproprions non seulement la vie et la santé, mais la santé qui nous appartienne. Pour cela, il faut éradiquer la peur. Et c'est justement, Jean-Claude en parlait tout à l'heure, il parlait du livre que j'ai écrit avec Jacqueline Bousquet sur le réveil de la conscience. Je pense qu'il faut réveiller nos consciences, nous dire que quand nous faisons quelque chose, nous risquons de nuire non seulement à autrui, mais à la Terre et même au cosmos, et qu'il faudrait peut-être qu'on fasse attention, parce qu'on n'a qu'une Terre, on n'a pas une Terre de rechange, et si on continue comme ça, il n'y aura plus de Terre. Bien sûr. Il faudrait vraiment que tout le monde se prenne en main, mais les gens vous disent, oui, mon foie, c'est pour demain, la veille, etc., etc. Est-ce que vous connaissez Claude Reiss ? Oui, je connais. D'accord. J'ai entendu sur cette même radio, c'est un ancien du CNRS à la retraite, qui a travaillé sur un protocole qui semble au point, pour mesurer la toxicité de tel et tel produit, donc il pourrait passer au crible de ce protocole les quelques plus de 100 000 produits qui nous entourent. Mais personne n'a envie de les passer au crible du protocole, voyons. Pardon ? Personne n'a envie de le faire. Alors, bon, parce qu'on sait que personne ne passerait les examens victorieusement. En même temps, ça semble aller dans la droite ligne du REACH, du programme REACH européen, oui. qui veut justement limiter l'usage abusif de produits toxiques dans les aliments, dans les survêtements, etc. Mais il y a quand même une certaine victoire. Regardez Greenpeace qui a fait retirer une peinture toxique sur un t-shirt de Mickey, je crois, enfin un truc comme ça. Oui, oui, non, mais Greenpeace fait un très bon travail, j'en fais partie du reste, et je me félicite d'avoir des gens comme Greenpeace, mais ça n'est pas suffisant, il faudrait que tout le monde se mobilise. Enfin, pour apporter un grain de sable, dans le domaine de l'information, ce Claude Reiss, il a un site, ça s'appelle www.antidote-europe.org. Oui, mais je vous signale qu'il y a une autre organisation qui fait ça aussi, qui s'appelle ProAnima, qui a été créée, c'est la première organisation qui a été créée comme ça. Oui. Et elle est dirigée par Christiane Lopi. Et ils ont aussi un site, je n'irai pas les comparer à Claude Reiss, mais ce sont eux qui ont initié cette chose-là, et la femme qui a initié ça, cette recherche contre l'expérimentation animale en disant que l'expérimentation animale n'était pas fiable sur le plan scientifique, c'est parce qu'elle a perdu sa fille d'un accident de médicament, et c'était un médicament qui était testé sur les animaux. Alors, je connais ProAnima, donc sur Google, on peut chercher. Nous avions consacré plusieurs heures, toute une nuit, avec l'association ProAnima et un médecin qui était venu de Bordeaux. Voilà. Dont j'ai oublié le et nom. Et du reste, Jacqueline Bousquet a été la présidente de ProAnima pendant pas mal de temps. Pour donner une note positive également, en termes de combat, je dis on peut y arriver. Moi, par exemple, personnellement, j'ai eu affaire à la DST, il y a peut-être 10-15 ans. J'avais un ami qui était irlandais, sa femme était basque, ça faisait un petit peu un cocktail détonnant, on va dire, a priori du moins. En fait, il n'y avait rien de spécial, si ce n'est que lui avait piraté un site de la NASA à une époque où c'était pas répréhensible légalement, et c'était des informations qui circulaient sur les réseaux télématiques un peu informés sur Minitel à l'époque. pour pirater, pour, c'est-à-dire pour rentrer sur le réseau et faire des choses, ou d'autres. Lui n'avait rien fait, un type qui avait fait des choses s'était fait attraper, avait vendu la mèche en citant les copains pour avoir moins de problèmes. Et moi, je n'avais pas grand-chose à voir là-dedans, si ce n'est que j'étais l'ami de ce bonhomme. La DST est venue voir mon père, qui était à l'époque directeur régional de l'INSEE à Bordeaux, pour lui dire, mais votre fils n'aura pas de travail dans l'informatique s'il continue à avoir un tel. Oui, je suis pas surpris. J'en ai pas dormi la nuit, j'avais honte d'être français. Ça a fini, j'ai pris un dictaphone, j'ai mis dans l'entrecuisse, et j'ai été interviewé le directeur de la DST à Bordeaux. Il y a eu un procès, l'avocat qui avait pris mon ami a fait les choses en grand, il voulait même plus être payé, il voulait continuer seul, parce que donc nous, pour nous, l'affaire était décantée, hein, ça les avait calmés. Il y a eu un secret défense, un tampon secret défense, ça a été levé, et il y a eu une victoire. Comme quoi donc c'est possible. Ah mais je pense que tout est possible, hein. Mais il faudrait pour ça quand même que les gens soient davantage unis, parce qu'il y a toujours des petites. En France, c'est ça qui est terrible, c'est que chacun veut être le chef. Moi, je le sais parce que je suis arrivée à réunir des associations de santé dans un groupe où il y avait 37 associations, et il était entendu que c'était une direction collégiale, que chacun donnait son opinion et que personne n'a été prépondérant sur l'autre. Et je me suis rendu compte que c'était très difficile d'arriver. Je n'étais pas du tout dans la direction. Moi, je m'occupais uniquement, j'étais leur porte-parole. Et je me suis rendu compte que c'était terrible que les Français arrivent à s'unir parce que chacun dit, oui, mais c'est moi qui ai raison. Alors, les autres, je veux bien m'allier avec eux, mais il faut que ce soit moi qui soit le chef parce que c'est moi qui suis le meilleur. Il faudrait qu'on arrête cette espèce de besoin de pouvoir, ce besoin de diriger les autres, qu'on se rende compte qu'on travaille tous ensemble, modestement. Et que finalement, si la vérité arrive par les autres, bah, tant mieux, ce qu'il faut, c'est que ça arrive. Pour une chose quand même, hein, c'est qu'on a affaire à toute une institution en place par rapport à cette affaire de la DST, par exemple. Leur protocole de fonctionnement pour arriver à trouver la vérité, c'est de fouiller et de remuer ce qu'ils pensent être sans doute la merde. Et ils font beaucoup de dégâts. Ils avaient par exemple fait virer de leur boulot tous les amis de ce bonhomme, quoi. Ah mais évidemment, mais ça j'en ai parlé au début de l'émission, j'ai raconté l'histoire de nombreux chercheurs qui ont été éjectés de leur place parce qu'ils ont osé dire la vérité. Mmh. Et il y en a eu des quantités comme ça. Ça c'est absolument évident. C'est hallucinant. Merci pour votre appel, Paul. Merci à vous. Voilà, bonne fin d'après-midi, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Sylvie Simon, mais qu'avez-vous contre le Prozac ? Bah alors écoutez, là vraiment, on sait très bien que le Prozac est quelque chose d'extrêmement dangereux, que ça crée une accoutumance épouvantable. Alors ça, je crois que j'en ai parlé dans 3 livres différents. Il y a eu des procès comme ça aux États-Unis. Tous les procès ont été perdus. Vous savez que dans le gouvernement américain, il y a plusieurs membres du gouvernement américain qui sont propriétaires de... Le produit a été mis sur le marché en 87, hein, c'est déjà... Voilà. On a du recul, hein, pour mais en parler. Déjà, avant qu'ils en mettent sur le marché, il y a eu des quantités de morts déjà. Mais on ne voulait pas en parler. Je connais des quantités de gens qui sont maintenant sous Prozac et qui sont devenus des zombies. Alors on n'en parle pas. On vous dit par exemple qu'il faut faire attention. Vous savez qu'on fait une lutte, on mène une lutte contre la drogue en ce moment. On vous parle de tous les produits, genre le shit, l'herbe, en fait, toutes ces choses-là. Je vous dis pas que c'est bon, hein. Mais on ne vous parle pas de choses comme le Prozac, qui sont beaucoup beaucoup plus dangereuses, qui sont des produits extrêmement toxiques. Mmh. Mais on ne peut pas en parler car il y a eu des intérêts énormes. On attend en France le procès du Prozac. J'ai consacré un chapitre entier de mon livre au Prozac, mais on n'arrive pas à aboutir parce que de nouveau, il y a encore des intérêts énormes. Mmh. Oui, on nous parle des morts sur la route. Oui, mais on ne parle pas des gens morts par toutes ces choses-là, jamais. On ne parle pas des personnes qui ont passé à l'acte du suicide. Et elle a eu des quantités. À la suite de longues prises de Prozac. Absolument. Et moi, j'ai un de mes amis qui prenait du Prozac. Il ne voulait pas m'en parler parce qu'il avait dit, si je le dis à Sylvie, elle va m'engueuler. Il prenait du Prozac parce que son médecin lui avait dit qu'il avait des problèmes de santé. Et il prenait du Prozac pour être plus tranquille. Et un jour, il a ouvert la fenêtre et puis il est passé par là. Et c'est sa femme qui l'a trouvé en revenant du marché. C'est très agréable. Ça, c'est grâce au Prozac. Mais on vous dira, oui, mais comme le Prozac, on le donne à des gens déprimés, il s'est suicidé parce qu'il était déprimé. Mais comme on appelle ça la pilule du bonheur, on s'est rendu compte que ça n'était pas vrai. Alors, pour vous montrer, par exemple, comment ça fonctionne. Vous savez, tout le monde a parlé du retrait du Vioxx. On en a beaucoup parlé. Mmh. On vous a dit que quand même, c'était un produit extrêmement dangereux. Produit fabriqué par MSD, il me semble, hein, Merckx, je crois. Sharp, oui, voilà. Chibri, oui. Mais alors, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que le Vioxx, l'année où il a été retiré, l'année avant qu'il soit retiré, a été élu le médicament de l'année et il a eu le prix du MEDEC. C'est-à-dire qu'il y a 6000 praticiens qui ont voté pour lui. Donc, quand vous voyez qu'on vous dit que c'est le médicament de l'année et que ce médicament a commencé, on l'a retiré parce qu'officiellement, il avait tué 28 000 personnes. Puis après, ça a été 55 000. Je me souviens, j'étais en train d'écrire un article là-dessus, où j'écrivais un livre là-dessus, et j'étais obligée sans arrêt de corriger. Alors de 28 000, on était passé à 55 000. Je suis partie en vacances pendant 15 jours. Après, on était au bout de 15 jours, il y avait 139 000 morts. Actuellement, on en est à 165 000, aux États, d'après un chercheur américain, qui a fait partie de la FDA, qui s'appelle David Graham. Et il a commencé à dire qu'il allait dénoncer tout ça puisqu'il était à la FDA et qu'il était bien placé pour avoir tous les documents sur le Vioxx. Eh bien, il a eu des quantités de menaces, etc. Et maintenant, on est arrivé à... Bon, il continue à se battre, mais il n'est plus du tout médiatisé. Vous savez, c'est Joseph Goebbels, qui était ministre de la Propagande, qui disait « Répétez un mensonge 100 fois, ce sera toujours un mensonge. Répétez-le 10 000 fois, il deviendra une vérité. » Et on nous raconte comme ça des quantités de mensonges, et puis ils deviennent des vérités. Et puis tous les gens vous disent, oui, mais vous savez, on nous a dit ceci à la télévision ou à la radio, la source d'information fait autorité. Quand vous l'avez entendu à la télévision, c'est vraiment parole d'évangile. Alors, il y a la presse, il y a les médias, les autorités de santé qui mentent, soit volontairement, soit par manque d'information. Vous avez eu le sang contaminé, l'amiante, la vache folle, les hormones de croissance, les vaccins. Il y en a eu quand même des scandales. Eh bien non, ça n'a pas fait bouger beaucoup les gens. Non seulement il y a eu des scandales, mais pardonnez-moi, il y a eu des morts. Il y a eu des quantités de morts, mais vous savez bien que personne n'était responsable pour l'histoire du sang contaminé, par exemple. Il y a eu, tout le monde a été blanchi. Il y a eu 3 personnes qui ont servi de bouc émissaire, mais qui n'ont pas été punies, parce qu'en France, non seulement on n'est pas responsable, mais on n'est pas punissable. Donc on n'est jamais condamné dans ces cas-là. Il y a une désinformation totale, mais je pense que les gens sont même des scientifiques de très haut niveau, ne se rendent pas compte. Il y a eu comme ça... Mais vous parliez de l'amiante, oui. Vous parliez de l'amiante, c'est les pouvoirs publics français qui ont découvert les méfaits de l'amiante en 96, alors qu'en 65 déjà, un médecin à l'hôpital de la Conception à Marseille en parlait. En 1905, on a commencé à dénoncer les méfaits de la viande. 1905. En 65, on a prouvé qu'elle était cancérigène. Mais personne n'a écouté. Vous savez que tous les pays avaient banni l'amiante, excepté la France. On a été les derniers. On a été les plus grands utilisateurs d'amiante du monde. Mais maintenant, les Saint-Gobain et autres continuent à vendre l'amiante dans des pays comme le Brésil, où il n'y a pas du tout de pouvoir sérieux qui l'empêche. Et on en vend en quantité. Il faudra après un jour désamianter tout ça. Tout est comme ça. Il y a eu une émission pour vous montrer l'ignorance des gens. Moi, je pense qu'ils sont sincères. Il y a eu comme ça une émission à la télévision sur le plus grand Français de tous les temps. Alors évidemment, c'était on n'a pas eu de Pasteur finalement. Vous avez une dent contre Pasteur. Oui. Il y a un jeu de mots. Alors, Axel Kahn a dit, oui, mais vous devriez voter pour Pasteur, parce que sans Pasteur, peut-être que le général de Gaulle ou l'abbé Pierre ne seraient pas nés, parce que les mères mouraient à ce moment-là en couche. Bon, parce qu'on ne se lavait pas les mains. Bon, déjà, heureusement qu'il y avait quand même une humanité qui ne mourait pas, sinon il n'y aurait eu personne sur la Terre. Bon. Et Axel Kahn nous a dit, c'est grâce à Pasteur qui a demandé aux femmes, aux sages-femmes et surtout aux médecins de se laver les mains, que les femmes ne meurent plus en couche. Il a annoncé ça à la télévision d'une façon imperturbable. Or, c'est Semmelweis, un médecin hongrois, qui a découvert la chose. Fièvre puerpérale. Ouais. Exactement. Ouais. Eh bien, Louis Ferdinand Céline l'a défendu du reste parce qu'à l'époque, il a été conspué par ses pairs. Et M. Axel Kahn, qui est pourtant une sommité, entre guillemets, a osé raconter à la télévision devant tout le monde que ça, personne ne l'a repris. Moi, si j'avais été là, j'aurais dit, vous êtes un menteur devant tout le monde. J'aurais peut-être été poli, j'aurais dit, écoutez, vous faites une erreur. Et s'il avait insisté, il a menti. Sylvie, il y a André qui est en attente. Oui. Bonjour André. Bonjour. Bonjour. Voilà, je voulais vous dire qu'à propos des médicaments, comme que ce soit le Prozac ou le Vioxx ou d'autres médicaments de cette nature, qui sont quand même, qui ont des efficacités extrêmement spectaculaires dans certains cas, les accidents qui se produisent, d'après la littérature que j'ai vue, mais c'est mon médecin qui m'en a parlé, j'en ai discuté avec des amis. Les accidents qui se produisent, c'est parce que souvent, les patients qui les utilisent durant 2, 3, 4, 5, 6 mois. On n'a jamais dit que le Vioxx était à prendre pendant 2, 3, 4 mois. On n'a jamais dit que le Prozac était à prendre pendant des années. Et il est bien évident que ce sont des médicaments dont l'efficacité... Ce sont des médicaments que l'on peut acheter en pharmacie sans prescription médicale. Non, pas le Prozac, d'accord. Ni le Vioxx. D'accord. Mais ces médicaments... ne sont pas prescrits pendant des années. Or, d'après la littérature médicale, et c'est là qu'il faut quand même s'astreindre une certaine rigueur, dans, quand on fait la critique dans un sens ou dans un autre, pour critiquer un médicament ou pour faire son éloge. C'est ce que font les médecins quand ils veulent défendre à tout prix un médicament, ou les biologistes ou les laboratoires, ou dans l'autre sens, les écologistes qui en font la critique acerbe. Je crois qu'il faut avoir une rigueur scientifique analogue à celle de Claude Bernard. On ne peut pas dire tel médicament est nul à 100%. On ne peut pas dire tel médicament est efficace à 100%. On ne peut pas dire prenez ce médicament toute votre vie. On ne peut pas dire prenez une demi-journée ce médicament. Il y a des standards, des protocoles qui sont en cours d'élaboration et que beaucoup de laboratoires, beaucoup de scientifiques, beaucoup de chercheurs traitent. Et la chronobiologie est une science qui se développe peu à peu, qui est en train de se développer. Donc tout va bien pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous me dites ça, c'est une agression. Non, je vous pose une question, monsieur. Je n'accepte pas ce que mais vous ne, dites. Je ne vous agresse pas. Vous insinuez. Donc tout va je bien. À tout prix. Avez-vous lu le livre de Sylvie Simon? Je puis vous dire que ce n'est pas un réquisitoire ni contre la science ni contre la médecine. Eh bien, je suis bien content de vous l'entendre dire, mais je n'ai pas entendu dire au cours de cette émission les nuances qu'il fallait apporter en ce qui concerne l'application de certains médicaments. Êtes-vous médecin, monsieur, êtes-vous chercheur, André? Juste, c'est pas une agression. Hein, c'est une insinuation. Mais non, bon, André, s'il vous plaît. Ben, je vous en prie. Bon, moi, je voudrais quand même dire une chose, c'est que quand un médicament arrive à tuer 165 000 personnes... Mais à tuer dans quelles conditions, madame? Mais de toute façon, il était... Il y a 165 000 personnes qui l'ont pris. Vous pensez bien, la plupart des médicaments sont pris sur ordre du médecin, puisqu'il donne une ordonnance. Sans ordonnance, on n'est pas remboursé. Mais pas forcément. Mais vous savez très bien qu'il y a très très peu de gens qui ne font pas rembourser leurs médicaments. Écoutez, donc ça a été donné par ordre médical. Bon, je vous répondrai. Je vous répondrai parce que je connais, ne serait-ce que parmi mes amis, des gens qui ont pris le Vioxx, à qui il était prescrit pendant 2 semaines, et qui l'ont pris pendant des mois. Ou alors il y a des médecins. Effectivement, là, vous avez raison. Ces médecins manquent de rigueur médicale. Ils ne suivent pas les prescriptions des laboratoires. Ils ne suivent pas les protocoles. Ils font prendre à leurs malades pendant des années. Le Vioxx, c'est très bien pour le rhumatisme articulaire aigu. C'est vrai que le rhumatisme articulaire aigu, c'est une maladie très invalidante. Et c'était miraculeux pour un certain nombre de personnes qui avaient des ulcères gastriques extrêmement violent à la suite de la cortisone. Bien, ces gens ont pris du Vioxx, ça a été une révolution pour eux, un changement de vie. Mais nous ne sommes pas en train de dire, André, nous ne sommes pas en train de dire que, en cas d'urgence, le Vioxx, comme le Prozac, est complètement inutile. Ce que nous sommes en train de dire, c'est de continuer inexorablement ces traitements. C'est ça que nous sommes en train de dire. Vous n'avez pas dit ça, vous n'avez pas dit continuer inexorablement ces traitements, vous avez semblé dire ce Vioxx, ce Prozac, faut le mettre à la poubelle. Eh bien, écoutez, en tout cas, vous parlez de comment dirais-je, des médecins qui les ordonnent. Je vous signale que dans beaucoup de maisons de retraite, on donne du Prozac aux gens âgés, systématiquement. Ce sont des médecins qui le font, et ce sont pas les gens qui s'amusent à prendre du Prozac qu'on ne leur donne pas. Ils le prennent et ils deviennent complètement dépendants. Alors, c'est quand même une chose extrêmement grave, même s'il y a quelques médecins. Moi, j'attaque pas tous les médecins. J'ai plein d'amis médecins qui sont des gens absolument merveilleux. Mais quand vous pensez que l'industrie pharmaceutique, vous savez très bien que les médecins sont informés par le quotidien du médecin et par certains journaux qui sont payés par les laboratoires pharmaceutiques et qui n'ont pas une information différente. Ils ont une seule information. C'est exactement comme si pour voter, on vous donne un seul bulletin de vote. Oui, mais alors il y a un problème de responsabilité personnelle. Le médecin est informé, vous me dites, par le quotidien du médecin. Enfin, le quotidien médecin, il est payé par les laboratoires. Il est subventionné par les laboratoires. Exactement. Moi, je crois qu'il faut revoir de fond en comble l'information des médecins. Mais nous sommes tous d'accord, par les laboratoires. On est tous d'accord. Mais nous sommes bien d'accord, André. Parfaitement bien. C'est bien le but aussi de cette émission. C'est le but de l'émission. Oui, mais il faut poser le problème là où il est. Non, là où il est, pas dans, en disant... Parce que ce qui me met mal à l'aise dans votre émission... Ce qui m'est vraiment très mal à l'aise, c'est qu'on a l'impression, peut-être à tort, j'ai peut-être tort, mais enfin, au moins il faut le dire, c'est qu'il y a un parti pris anti-scientifique, anti-scientiste, qui est sous-jacent et qui est sous-jacent dans les organisations comme Greenpeace, qui est sous-jacent dans les relations, dans les organisations écologiques, qui est sous-jacent dans les groupes de paysans de José Bové. On a l'impression qu'on veut revenir à la bougie. Or, il s'agit absolument pas de ça. Mais moi, je maintiens ce que je dis. Peut-être que dans les maisons de retraite et dans les hôpitaux, y compris dans les hôpitaux psychiatriques, on donne systématiquement pendant des années du Prozac, systématiquement pendant des années du TMS-MA, systématiquement. Et là, vous n'allez pas me dire que ça fait partie des protocoles standards préconisés par l'Académie de médecine. Ça n'est pas vrai. C'est peut-être dans le quotidien du médecin, mais le quotidien du médecin, que je sache, n'a pas un caractère scientifique pur. Je vous signale, monsieur, quand même, que tout de même, quand on a fait les études avant de donner la MM au Vioxx, eh bien, aux États-Unis, il y a eu des accidents qui ont été occultés. Les laboratoires ont caché des informations. Ça n'est pas moi qui le dis. Ce sont quantité de scientifiques. Achetez mon livre et lisez-le et vous verrez. Je ne peux pas vous être dans une émission qui dure pas très longtemps. Je ne peux pas vous expliquer ce que j'ai expliqué en 3 livres, chacun ayant 300 pages. Vous comprenez? Oui, je donne toutes les informations. Dans vos 300 pages, combien de temps? Quelle est la posologie qui a été donnée, pour quelle maladie on a donné le Vioxx? Parce que vous comprenez, c'est trop facile de dire j'ai pris du Vioxx, j'ai pris du Prozac pour une migraine et je suis mort. Ben non, c'est pas. Il faut moi, ce que je n'aime pas dans tout ce qui est dit à ce propos des gens qui n'ont pas la rigueur scientifique de Claude Bernard, c'est la seule qui tienne. Pardonnez-nous de ne pas avoir de rigueur, André. Écoutez, je vous le pardonne dans un sens. Mais nous faisons ce que nous pouvons, André. Au moins, vous ne pouvez pas nous reprocher de parler de ça. Il faut le dire. D'accord. Bon, c'est bien pour ça qu'il y a l'interactivité avec les auditeurs. Merci, André. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Bachir. Oui, bonjour, Jean-Claude. Bonjour, Sylvie, si je peux me permettre. Oui, je voulais vous dire concernant que certains docteurs, je dirais pas tous, mais bon, c'est vrai qu'ils ont une facilité de prescrire plusieurs médicaments si vous leur donnez une liste de problèmes que vous avez. Bon, ceci dit, pour ma part, bon, puisque vous parlez de dictature, enfin de l'industrie pharmaceutique, il y avait la question, mais alors à quoi servent les gouvernements ne peuvent pas faire la loi. Je reprendrai une phrase d'Aaron Taziev. C'était le 9 décembre 1994 sur France Culture, hein, s'il vous plaît. Le monde scientifique auquel j'appartiens est largement aussi corrompu que le monde politique. Aaron Taziev, 9 décembre 1994 sur France Culture. Ah, d'accord. Bon, bah, alors, à qui se fier maintenant? Donc, il faut voter qui alors, pour avoir une bonne route, enfin, pour être sûr d'avoir des gens qui nous gouvernent. Peut-être c'est à nous de prendre le gouvernement, quoi. Nous-mêmes nous gouverner. Mais ceci dit, il y a le problème aussi par rapport à des prescriptions, enfin, ou des médicaments qui sont dangereux. Et il y a l'ordre des médecins. Que fait l'ordre des médecins par rapport à une certaine éthique? On les entend pas beaucoup, ces gens-là. L'ordre des médecins poursuit tous les médecins qui ne soignent pas suivant ce qu'on doit faire. Je passe mon temps à aller assister, si on peut dire, des médecins qui sont traduits devant le Conseil de l'Ordre parce qu'ils ont osé guérir autrement. Les malades sont guéris, les malades ne se plaignent pas, mais la Sécurité sociale se plaint car, par exemple, pour des cancers, on n'envoie pas les gens à Villejuif faire des chimiothérapies quand ils le refusent. Le malade a le droit, a le choix de son système de santé, mais pas le médecin. Le médecin est obligé de forcer le malade à se soigner suivant ce qui est correct. Alors donc, il faudrait que les gens, c'est ce que je dis, s'unissent tous et refusent en vrac ce genre de, comme vous dites, de gouvernement, de pouvoir qui nous empêche de faire ce que nous voulons. À ce point de vue-là, on n'est pas libre de son corps, on n'est pas libre. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre La Dictature, même si ça déplaît à certains auditeurs. C'est une véritable dictature, on n'a pas le choix. Oui, c'est vrai qu'il y a une forme d'action par rapport à ça, parce que c'est vrai que quand on emmène un malade à l'hôpital, l'hôpital est un élément tellement vaste, grand, il y a une sorte de d'autorité qui fait que les familles n'osent pas trop vraiment dire leurs mots, obéissent au docteur, enfin qui a une prestance avec sa blouse et sa cravate. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a tous ces éléments qui empêche de dire, bon, nous, on voudrait ceci, on voudrait que notre malade soit plus guéri par des choses naturelles plutôt que par votre chimie, enfin. Oui, mais on n'ose pas trop le dire, quoi, l'affirmer. Mais évidemment, mais les choses naturelles, comme vous dites, si ce sont des plantes et autres, ça ne rapporte pas au laboratoire, donc ça n'intéresse personne. Parce que même dans les hôpitaux, les laboratoires ont leur mot à dire. Donc c'est très difficile, mais il faudrait que tout le monde s'élève, refuse de prendre certains médicaments, refuse d'obéir à tout ce diktat de certains médecins, et que chaque fois qu'un médecin est attaqué par l'ordre, il faudrait que tous ces malades se lèvent en masse. Ça arrive dans certains coins de France. Je trouve qu'en Bretagne, par exemple, chaque fois qu'un médecin est attaqué, tous les malades prennent des cars pour aller jusqu'à Paris. Il y a eu comme ça au service au boulevard Haussmann, qui est là où il y a la direction de l'ordre des médecins national. Il y a des cars entiers qui viennent pour témoigner pour leurs médecins. Ça ne sert pas à grand-chose, parce que quand ils veulent, on veut les rayer, on les raye tout de même. Mais il faudrait que les Français se prennent davantage par la main, c'est ce qu'on disait. On est un petit peu dévots et on se laisse manipuler par les gens, et ça, c'est une grosse erreur. Donc, c'est bien que vous le disiez et qu'on respecte. L'auditeur tout à l'heure a critiqué justement des gens comme Greenpeace. Heureusement qu'il y a des gens comme Greenpeace qui osent manifester, parce que les Français moyens ne manifestent pas. Ils ne bougent pas. Ils disent, oui, je suis contre, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse à ma petite échelle personnelle? C'est pour ça qu'il faut que les gens s'unissent et manifestent ensemble. Merci pour votre appel, Bachir. Il y a beaucoup d'appels en attente. Bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Dominique. Oui, bonjour. En fait, je voulais réagir à l'auditeur précédent, parce que d'abord son émotion m'a touché et que j'ai senti qu'il défendait quelque chose, mais qu'il y avait une confusion. Effectivement, la rigueur scientifique à la Claude Bernard, c'est très bien pour la recherche. Mais si on pouvait l'appliquer aussi au monde du commerce, à ce moment-là, on s'apercevrait qu'on ne parle pas exactement de la même chose. Exactement. Moi, je suis très heureux d'entendre cette émission et votre intervenante, Sylvie Simon, c'est ça? Oui. Oui, vraiment, votre pouvoir de conviction est étonnant et on sent que vous n'avez pas commencé cette démarche il y a quelques jours. Et il y a peut-être quelque chose simplement qui me gêne un petit peu, c'est lorsqu'on parle d'un système corrompu. Parce qu'un système corrompu, ça sous-entend qu'un jour il a été pur. Or, je me demande si nous ne sommes pas un petit peu leurrés par les valeurs qu'on nous a enseignées, de croire qu'il existe des systèmes politiques sans ce qu'on appelle corruption. C'est-à-dire qu'il y a un énorme décalage, de toute façon, entre les valeurs qu'on nous a enseignées comme des valeurs universelles et partageables par tout le monde, particulièrement chez nous en Europe et en France en particulier, et puis qu'en même temps, la réalité n'a jamais été comme ça. Alors qu'on s'en scandalise par contradiction avec les valeurs qu'on nous enseigne, je pense que c'est une très très bonne chose, mais simultanément, est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à avoir sur comment se fait-il que ces gens-là ont un tel pouvoir et quel contre-pouvoir y a-t-il? Et là, je crois que vous avez dit quelque chose sur lequel je voudrais insister, parce que j'ai entendu à cette même radio il y a quelque temps les responsables de la revue Que Choisir, et en l'écoutant parler, tout d'un coup je réalisais que face au marché, qui est un pouvoir d'autant plus gigantesque qu'il est mondial, donc il n'y a aucune loi qui ne peut véritablement le gérer, il n'y a qu'un seul contre-pouvoir, c'est les consommateurs. Et je me demande si l'avenir de la politique, ça n'est pas une association de consommateurs qui, ben, si par exemple un article paraît en disant ceci stop et ceci stop, tout le monde arrête, là le marché va être obligé d'écouter. Et je me demande si dans cette logique où on parle tous des monstres multinationales, etc., où est le contre-pouvoir? Parce que c'est ça la démocratie, c'est le contre-pouvoir la démocratie. Alors je le cherche. Je crois que vous avez tout compris. Le contre-pouvoir, c'est le consommateur. Mais le consommateur, s'il n'est pas uni à d'autres consommateurs, lui tout seul dans son petit coin ne peut rien faire. Non, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je vais trouver beaucoup d'intérêt à la personnalité de ce responsable de la revue Que Choisir. Parce que tout d'un coup, je réalisais que là, il y a un contre-pouvoir quand des consommateurs s'associent. Exactement, mais c'est très difficile, c'est ce que je disais tout à l'heure, que les Français s'associent entre eux parce qu'ils ont toujours des petites questions de pouvoir personnel. Et si tout ça arrive, c'est parce que nous sommes dans une société de compétition. Chacun veut être le meilleur. On nous montre toujours à la télévision qu'il faut être le plus beau, le plus grand, le plus musclé, le plus riche, le plus sportif, le plus ceci, le plus cela. Si on était davantage dans l'être et non dans le paraître, ça changerait beaucoup de choses. Mais malheureusement, tout le monde veut être plus fort que l'autre, et c'est la même chose pour les hommes politiques. Mais vous disiez une chose très juste. Vous dites, c'est pas une chose récente, mais c'est certain. Moi, j'étais une petite fille de 6 ans, et je me souviens un jour où je disais, ah, tel homme, je sais pas, j'avais dû voir une émission à laquelle j'avais rien compris. Ma grand-mère m'a dit, ma chérie, du moment quand on est arrivé au pouvoir, c'est qu'on a du sang sur les mains. Eh bien, ça n'a pas beaucoup changé. Mais la chose quand même qui a changé, c'est que plus nous allons, plus la corruption gagne. Autrefois, il y a toujours eu des gens corrompus, il y a toujours eu des gens merveilleux. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens corrompus et de plus en plus de gens merveilleux qui se taisent. Et ça, c'est quand même très, très important. Et je crois si je me permets un petit peu de recul dans l'histoire, ce que vous dites est probablement vrai dans le temps, on va dire, de 3 ou 4 générations, parce que c'est 3 ou 4 générations qui se sont construites sur un système de valeurs. Mais si vous reculez un petit peu plus, vous retrouvez des zones de corruption totale. Et puis, revenez à des périodes qui sont plus, on va dire, puritaines d'une certaine manière, et qui en tout cas observent leurs propres valeurs, mais Combien de générations ça dure? 2 générations, 3 générations encore? Donc historiquement, on est peut-être, c'est bon de se scandaliser, je ne veux pas aller surtout contre votre combat, bien au contraire, je vous soutiens complètement. Hein. Mais c'est cette réflexion qui nous manque et qui fait qu'on n'arrive pas à déterminer de quoi sommes-nous faits, nous les êtres humains, si nous sommes capables de nous laisser illusionner par des discours qui nous disent que le monde est de telle manière, alors que dans la réalité, il n'est pas comme ça. Comment se fait-il qu'on continue? Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que ces valeurs peuvent changer cette réalité? Ou est-ce que c'est un leurre avec lequel, derrière lequel les marionnettistes s'amusent, comme les lobbies de la pharmacie, s'amusent tout simplement à nous manipuler? Et nous, avec nos valeurs, nos grandes valeurs, etc., nous ne voyons rien du réel. C'est ça qui m'intrigue, si vous voulez. C'est une question difficile, j'ai pas de réponse, hein, mais... Si la loi du marché, si la loi du plus fort, qui commence dans la cour de récréation, qui commence chez les règnes animaux dès le début, dès le départ de la vie, s'il y a quelque chose qui doit aller contre ça, d'où ça vient? Ah, ça, le d'où ça vient et le pourquoi, c'est très difficile, mais vous avez totalement raison, c'est une réflexion à approfondir. Mais vous laisseriez penser que l'homme, en somme, est le plus grand prédateur de la Terre, et je suis pas très loin de... Non, mais c'est juste un constat. La question, c'est soit je le constate, soit je le proclame, c'est pas la même chose. Oui, mais on nous dit toujours, c'est quand même nos pouvoirs publics, enfin, c'est-à-dire les médias et tout, nous disent que nous sommes en plein progrès, que nous sommes en pleine civilisation et qu'on est plus civilisé qu'autrefois. Et c'est là que je suis pas du tout d'accord, parce que je trouve que l'homme des cavernes tue pour manger, tue pour se défendre et tue pour des raisons. Maintenant, on tue par intérêt. On tue pour gagner de l'argent, on tue pour trouver du pétrole, on tue pour n'importe quoi. Je trouve que plus on va, plus l'homme devient prédateur. Il n'y a pas de progrès à ce point de vue-là. Mais il y a quand même, j'ose l'espérer, et moi je le remarque, parce que depuis 10 ans que je mène ce combat pour la santé, je trouve que les gens qui m'écoutent ont changé. Je n'ai plus le même scepticisme qu'autrefois. Autrefois, quand je commençais à dire des choses sur les laboratoires, on me disait « Ah oui, mais vous êtes inscrit au Parti communiste !» Ce qui n'a aucun rapport, parce que je suis en dehors de toute politique. Je trouve que tous les hommes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont manipulés par des forces qu'ils ignorent et par des grands méchants loups qu'on appelle Big Pharma aux États-Unis. Comment on les appelle ? Big Pharma, c'est-à-dire la grosse pharmacie. Big Pharma. Big du mot gros, oui. Et pharma c'est l'abréviation de pharmacie. Big Pharma. Ah, Big d'accord. Pharma. D'accord. Ça veut dire la grosse industrie pharmaceutique. Okay. Et c'est le mot amical qu'on leur donne aux États-Unis. Donc il y a cette espèce d'emprise. On nous dit sans arrêt que nous allons de mieux en mieux, qu'on s'occupe de nous comme on ne s'en est jamais occupé. Vous avez remarqué comme nous sommes dans une société où on s'occupe de nous, on fait attention, il faut qu'on traverse sur les clous parce qu'on risque de se faire écraser, qu'au volant on a des choses pour nous protéger. L'homme n'est plus responsable de quoi que ce soit, il est complètement pris en main par des pouvoirs qu'il ignore la plupart du temps. Les gens ne pensent plus par eux-mêmes. On en revient à ce que je disais au début. Les gens ont perdu tout sens critique. Et ça, il y en avait autrefois. Même s'il y avait des gentils et des méchants, comme il y a toujours eu, il y avait des gens qui avaient l'esprit critique. Maintenant, on ne se rend plus compte. On peut vous poignarder dans le dos en vous disant des belles paroles et les gens le croient. Et ça, c'est la force des médias, particulièrement des télévisions, où les gens vous disent, oui, mais quand même, la télévision a dit ça, donc c'est vrai. Regardez la panique qu'il y a eu à cause de la grippe aviaire, la panique qu'il y a dès qu'il y a quelque chose, on en parle de tous les côtés, et on ne parle pas des véritables problèmes. Oui. Merci pour votre appel, Dominique. Pardonnez-moi, mais il y a beaucoup d'appels en attente. D'accord. Je pense à un livre du docteur Marc Vercouter, que vous connaissez, Sylvie Simon, Page 47, Marc Vercouter écrit « Ainsi, la classe dirigeante fabrique-t-elle, grâce au système scolaire, une foule de personnes coulées dans le même moule à penser ?» Dans quel livre ? Sur le vaccin sur l'hépatite B. Ah ben c'est pas lui, c'est moi. Hein. C'est vous. Ah bon, d'accord, alors rendons à Sylvie. Bon, il en a écrit un ou deux chapitres, mais... D'accord. Bon, pardon, sur le côté scolaire. Ah ben c'est à l'école qu'on apprend déjà la compétition, puisqu'en en classe, on veut que toujours que vous soyez les meilleurs, les premiers et tout. Et quand on donne certains médicaments aux enfants, par exemple, tout à l'heure, nous parlions des enfants qui sont médicalisés, on leur donne de la Ritaline et autres, parce que on veut que les enfants soient obéissants et qu'ils aient des très bonnes notes pour réussir. Mais qu'est-ce que c'est que la réussite, au fond? Est-ce que c'est d'avoir beaucoup de fric, d'épater les autres, d'avoir des belles voitures? C'est là qu'il y a, je crois que la réussite, c'est d'être bien avec soi-même, de se regarder dans la glace tous les jours en se disant, j'ai rendu des gens heureux et je n'ai rendu personne malheureux. Mais ça, on ne nous l'apprend pas, ni en classe, ni ailleurs. Merci pour votre appel, Dominique. Bonne fin de journée. Bonjour, Michel. Michel. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, j'ai une question à poser à madame Sylvie Simon. Donc, c'est par rapport au sida et à la séropositivité. Est-ce que vous avez quelque chose à conseiller ou avez-vous quelque chose à rajouter? A-t-on vraiment le choix de se soigner autrement que par la trithérapie ou par la maladie du taux viciel? Bon, d'abord, il faudrait quand même qu'on dise que le fait d'être séropositif ne veut pas dire que vous avez le sida. Il faudrait peut-être arrêter cette espèce d'angoisse et de peur qu'on a tout le temps. On vous dit, par exemple, vous allez passer un examen, on vous dit que vous êtes séropositif, donc vous avez le sida, donc vous allez mourir. C'est totalement faux. Il y a des quantités de gens qui sont séropositifs depuis des années et qui sont en pleine forme. Seulement, on culpabilise les gens, on leur parle de leur vie privée qui ne regarde personne, on les met dans la culpabilité. Alors, c'est tout un gros problème. J'en parle un petit peu de l'histoire du sida dans mon livre qui vient de sortir, justement, La Dictature, où je mets les choses, les pendules à l'heure. Par exemple, on vous dit qu'en Afrique, les gens meurent sur le bord des routes et tout. En Afrique, on meurt de faim. On meurt de manque d'hygiène. On meurt de quantité de choses qui ne sont pas le sida, mais qui fait que votre immunité est extrêmement basse. Quand on vous dit que vous êtes séropositif au sida, vous savez que c'est pas une maladie le sida, c'est une réunion de 29 symptômes qu'on a groupés. Et maintenant, il suffit qu'une femme soit enceinte, il suffit que vous ayez passé une mauvaise nuit pour qu'on vous trouve séropositif. Donc, rien n'est plus faux que les tests de sida, donc il ne faut pas se laisser faire. Et il faut, comment dirais-je, quand on a une angoisse, je pense que vous devez avoir des gens autour de vous, ou vous-même avoir une peur de quoi que ce soit, il faut d'abord éradiquer la peur. Je crois que quand on a éradiqué la peur, on ne risque plus rien. Moi, je connais des gens qui ont reçu le comment dirais-je, on leur a dit, vous avez un cancer, vous allez mourir. Ils ont refusé. Et ils sont toujours en vie, des années après. C'est la même chose pour le sida. Il faut, donc je ne veux pas entrer à fond dans la politique du sida. Il y a des livres intéressants là-dessus, beaucoup. Évidemment, il ne faut pas entrer dans le côté commercial de SIDAction et toutes ces choses-là qui sont payées par des laboratoires, de nouveau. Sylvie Simon, l'AZT. L'AZT, c'est un poison violent et les gens ne meurent pas du sida, ils meurent de l'AZT. Ça a été, c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont des quantités de médecins connus dans le monde entier. Alors ça, il faut surtout faire très attention. Et je ne vais pas vous donner des conseils médicaux parce que je n'ai pas le droit de le faire. Mais il est évident qu'il ne faut pas écouter tous les gens qui sont des alarmistes. Et si on vous dit que vous êtes séropositif, ben, ce n'est pas très grave. Il faut voir si vous avez vraiment des grosses manifestations. Et à ce moment-là, peut-être changer de mode de vie, c'est tout. Mais je vous dis, je ne peux pas rentrer sur les ondes comme ça, dans ce genre de polémique. Mais dans mon livre, je donne quand même des informations sur la question. Voilà, merci beaucoup de votre appel. Merci Michel. Bonne fin de journée, au revoir. Je demanderai aux auditeurs d'arrêter de m'agresser hors antenne. Je fais mon travail d'information, que vous ne soyez pas d'accord, soit, mais étayez, n'agressez pas, ça ne sert à rien, ça me fait rire. Et je reprendrai cette phrase de Martin Luther King, n'oubliez jamais que tout ce qu'a fait Hitler en Allemagne était légal. Et que vous ne soyez pas d'accord, je trouve ça tout à fait démocratique que vous veniez l'exprimer à l'antenne. Mais en même temps, apporter des éléments pour étayer vos arguments. Vous êtes au courant, je pense, de la ionisation maintenant avec les aliments, Sylvie? Oui, c'est un sujet que je n'ai pas tellement étudié pour l'instant, mais il est évident que la plupart des aliments sont ionisés, sous prétexte que ce n'est pas dangereux et que les pommes de terre n'ont plus de germes, etc., etc. Il est évident que c'est dangereux. C'est pour ça que je recommande toujours, si vous le pouvez, de ne manger que des choses, biologiques, pour ne pas courir de risques, parce qu'il est évident que parmi tout ce qui nous rend malade, la nourriture est un des énormes facteurs de ces choses-là. la nourriture que nous mangeons, qui est ionisée, qui est chimiothérapée, qui est tout ce que vous voulez, est extrêmement dangereuse. Nous accueillons Clémence. Bonjour Clémence. Clémence est là. Bonjour Clémence. Oui. Bonjour. Bonjour. Attendez, je vais baisser ma radio. Voilà. Vous m'entendez ? Très bien. Allô ? Oui. Oui, nous vous entendons, Clémence. Oui. Je trouve que la dame là qui parle a beaucoup de convictions. J'aimerais partager ses convictions. Mais bon, par exemple, moi, je vais vous citer deux cas. Un épileptique qui ne prend pas ses barbituriques. Il fait 50 crises par jour. Un parkinsonien qui ne prend pas son Modopar. Quand il manque une prise de Modopar, il est raide complètement. Il ne peut plus faire un pas. Alors, comment faire ? Mais est-ce que vous avez essayé de le faire soigner autrement, aller voir un médecin homéopathe qui certainement lui donnera pas ces produits-là, mais pourra certainement le soulager ou le soigner autrement. Homéopathe. Il y a quand même des moyens naturels de se soigner sans prendre tous ces produits chimiques. Et on peut éviter le Modopar dans des maladies aussi graves que Parkinson, où ils sont complètement paralysés. Oui, ils ne prennent pas leur dose C'est-à-dire. Il faudrait, dès le départ, se soigner autrement. Il est évident que quand les méfaits sont là et qu'on est complètement drogué par un médicament, il est très difficile de l'arrêter du jour au lendemain. Ça, c'est évident. Il faudrait, dès les premiers symptômes, ne pas être malade. C'est toujours pareil. Moi, je pense qu'il faudrait mieux prévenir que guérir. C'est beaucoup plus facile. Si les gens avaient une vie saine, une vie naturelle, une vie sans manger de cochonneries, Dieu sait qu'on en a parlé, sans prendre trop de médicaments ni rien, ils seraient beaucoup moins malades. Alors, effectivement, quand vous êtes très malade, c'est très difficile. Et malheureusement, c'est en bout de course, quand on se rend compte que la chimie ne peut rien, qu'on va voir des médecins homéopathes ou autres en disant mais qu'est-ce que vous voulez maintenant faire pour moi ? Or, tout le mal est fait, on a été abîmé par tous les médicaments qu'on a pris d'abord. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que le Modopar apporte un réel bienfait, que les raideurs disparaissent, que la personne peut se tenir debout et peut marcher. On a été voir pas mal de médecins. Un ostéopathe qui, dès qu'il l'a vu, a dit « je ne peux rien faire », entre parenthèses, il a pris... Mais il a été au moins honnête, Clémence, il a été honnête de dire qu'il ne pouvait rien faire, oui. Clémence, il a été honnête de vous dire qu'il ne pouvait rien faire. Non. Mais de là à faire l'apologie d'un médicament, que vous citez à l'antenne d'ailleurs, ça peut marcher pour certaines personnes et pas marcher pour d'autres. Mais bon... en attendant, bon, c'est vrai que ça nous a coûté 58 euros, sans ordonnance, sans rien du tout. Non, mais attendez, Clémence. Clémence. On n'est pas là pour faire le procès des ostéopathes ou de ces médecines-là. Il faut savoir si on préfère être malade et remboursé ou être soigné réellement et ne pas être remboursé. Je crois que ça, c'est un gros problème en France. Oui, bien, là, écoutez, nous n'y étions pas. Il y a des bons médecins et des mauvais médecins, il y a des bons ostéopathes et des mauvais ostéopathes. Je ne sais pas du tout s'il ne vous a pas soigné du tout. Il n'aurait pas dû vous faire payer. S'il a dit qu'il ne pouvait rien faire, il ne devait pas vous faire payer. Ça n'est pas une raison pour faire effectivement le procès des ostéopathes, qui la plupart du temps sont des gens remarquables. Alors, votre cas, je ne peux pas le connaître. Je ne connais pas votre médicament parce que je n'ai pas tellement étudié tous les médicaments. Je ne connais que les médicaments qui sont vraiment extrêmement dangereux. Enfin, il est évident que tous les médicaments ont des effets secondaires. Il est évident que les médicaments sont quand même des choses chimiques qui ne sont pas faites pour aller dans un corps humain au départ, excepté dans des cas extrêmement graves et en grande urgence. Et nous oublions régulièrement de ne pas parler des effets iatrogènes. Voilà, parce qu'il n'y a pas de médicament efficace qui n'a pas d'effet iatrogène. De toute façon, ça, tous les médecins vous le diront, sans exception, s'ils sont honnêtes. Merci pour votre appel, Clémence. Bonne fin de journée, au revoir. Bonjour. Merci. Frédéric. Oui, bonjour, bonjour madame. Bonjour. J'ai pris l'émission en cours de route. Hein. Mais donc, c'était par rapport au sida. Oui. Donc j'ai cru entendre. Enfin, je voulais justement vous m'éclaircissiez par rapport au traitement, aux bithérapies, ce que vous en pensiez. Parce que vous comprenez, moi j'ai perdu une amie là, du sida il y a 94, qui a été emportée, qui a été foudroyée par cette maladie très rapidement, en un an de temps, elle est décédée. Elle avait été soignée ? Justement, non. Elle n'avait pas été soignée. Son compagnon était malade aussi. Lui a pu bénéficier in extremis juste au début de la thérapie, donc c'était en 95, hein, je crois. Il est toujours en vie ? Il est toujours en vie. Oui. Donc, il a été sauvé de... Il la suivait, hein. Il était emporté aussi du sida. Il a pu bénéficier de la thérapie. Ah, mais il est quand même décédé aussi ? Pardon ? Il est décédé aussi. Ah, il n'est pas décédé, non ? Ah non, je croyais que vous disiez qu'il a été emporté par la maladie. Alors, effectivement, c'est très lourd comme traitement, très contraignant, mais c'est ce qui lui permet de rester en vie. Oui, alors écoutez, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne vais pas entrer dans le problème du sida qui n'est pas un problème général. Moi, j'ai écrit un livre sur, en général, comment ça se passe au point de vue santé. Je connais pas mal la question parce que je connais des gens qui travaillent là-dessus. On peut pas, par les ondes comme ça, je ne peux pas vous donner des conseils. Je n'ai pas le droit de vous dire ce qu'il faut faire ou pas prendre la thérapie ou pas. Mais moi, je connais des quantités de gens qui ont eu le sida et qui sont pas et qui ont été déclarés. Sidéens et qui sont toujours en vie sans jamais s'être fait soigner. Alors on pourrait aussi dire, si c'était fait soigner, c'est grâce aux soins qu'ils sont en vie. Ils le sont toujours alors qu'ils n'ont pris rien que des choses naturelles et qu'ils ont eu une hygiène de vie totalement différente. Alors pourquoi les gens ont eu le sida, pourquoi est-ce qu'ils ont... Vous comprenez, il y a des quantités de paramètres personnels qu'on ne peut pas bien mettre entendu, en... Je comprends bien, je suis bien voilà. D'accord. Alors moi, je ne peux pas vous donner malheureusement de conseils là-dessus parce que c'est vraiment une question moi, trop... Je peux vous parler de mon expérience. Oui. Moi, je suis atteint de l'hépatite C et j'ai suivi une bithérapie qui était très, très difficile à supporter. Mais par ailleurs, j'ai fait un traitement, ça fait 5 ans que je fais un traitement homéopathique. Oui. Avec un très grand homéopathe qui me suit depuis 5 ans. Et donc, qui m'a accompagné lors du traitement pour supporter mes effets secondaires qui étaient très lourds. Et là, je peux dire que par rapport à cette maladie-là, bon, je ne sais pas si c'est le traitement que j'ai fait en bithérapie, enfin en interféron en ribavirine, qui m'a permis de faire en sorte que l'hépatite soit restée à un niveau stable. Mais le traitement homéopathique qu'il m'a donné m'a fait énormément de bien. Ça, je peux Je peux le reconnaître, je le reconnais, puisque c'est vrai que ça m'a permis de parer à des effets indésirables dans le traitement, puis par ailleurs, par rapport à l'hépatite. Vous voyez, vous apportez de l'eau à mon moulin. Ce témoignage est intéressant, Frédéric. Et donc, je suis régulièrement ce traitement, ça fait 5 ans que je continue, puisqu'en fait, je m'aperçois que ma vie est... bon, j'ai quand même des effets de l'hépatite, hein, puisque c'est quand même une maladie... Vous l'avez attrapé comment ? Pardon ? Vous l'avez attrapé comment, votre hépatite ? Bah, je peux pas vous le dire. Parce que je ne sais pas. Ah oui, d'accord. J'ai pas de... Je peux pas vous le dire exactement. Vous n'avez pas eu de transfusion sanguine, des choses comme ça. Oui, d'accord. Non. Mais bon, vraisemblablement, forcément par contamination par le sang. Hein. Oui, oui. Non, parce que je connais des gens qui ont eu une hépatite C, qui se sont fait soigner uniquement par l'homéopathie sans prendre quoi que ce soit d'autre, oui. Ils sont en pleine forme. Mais lui était très réticent à ce que je fasse ce traitement, mais moi, il m'a pas dit ne le faites pas. Simplement, il m'a dit que c'est un traitement très lourd qui m'a... Mais un médecin ne peut pas vous dire ne le fais pas, parce que même homéopathe, il est quand même médecin. Et si vous dites de ne pas faire un traitement, il est évident qu'après, si jamais vous avez un problème, vous retournez contre lui, il sera rayé de l'ordre des médecins. Oui, c'est toujours pareil. Par contre, il m'a donné un traitement très, très, très efficace à côté pour pouvoir parer aux effets secondaires qui étaient très, très, très difficiles. Hein. Oui, mais si vous allez bien, vous ne savez même plus maintenant si c'est grâce à l'homéopathie ou grâce aux produits que vous prenez. Sincèrement, je pense que c'est par rapport à l'homéopathie, parce qu'en fait, je continue et ça m'a permis d'avoir quand même de rester une certaine. Bon, j'ai une hygiène de vie aussi. Je bois pas d'alcool, je fais en sorte. Et alors, pourquoi continuez-vous à prendre des produits chimiques ? Mais je prends pas de produits chimiques. Ah, j'avais cru comprendre que vous en preniez. Ah, non, d'accord. Je prends le traitement homéopathique. Uniquement. Ben oui. Ben alors, voyez. Oui, tout à fait. Non, d'accord. Pas de produits chimiques. Non, je croyais que vous aviez un traitement lourd. Ça fait 5-6 ans que je suis. C'est terminé. Oui, d'accord. Ben voyez. Frédéric, je vous remercie pour votre appel. Il y a de nombreux appels en attente. Hein. Merci pour votre appel. Merci à vous, au revoir. 08 92 23 95 20. Bonjour Anaïs. Allô, bonjour. Bonjour. Écoutez, d'abord, je vous félicite pour votre émission, parce que aujourd'hui, c'est vraiment merveilleux. Et que je suis d'accord avec vous pour dire que les gens comme Greenpeace, par exemple, sont absolument indispensables. Au moins, il y a des gens qui résistent quelque part et qui nous informent. Allô ? Oui, on vous écoute, madame. Bon, voilà, c'est ça que je voulais vous dire ça. Eh bien, merci. Et je voudrais, madame, vous demander ce que vous pensez du Levothyrox. On m'a dit qu'il fallait que je prenne ça toute ma vie. Attendez, je voudrais rappeler, Anaïs, je ne sais pas si vous écoutez depuis 14 heures, mais Sylvie Simon n'est pas médecin. Je sais. Elle est journaliste, elle est écrivain. Oui. Elle a enquêté depuis de nombreuses années sur les méfaits de la vaccination, mais ne lui demandez pas un conseil médical, elle n'est pas médecin, et je n'accepterai pas qu'elle vous donne un conseil. Exactement, et de vous en sens, c'est un nom que je ne connais pas. Alors. Vous savez, c'est une TSH qui est un peu haute, et on vous donne un médicament qui s'appelle, c'est un petit médicament, enfin un petit médicament qui vous prend toute sa vie. Donc, voilà, c'est tout. Hein. Ben, écoutez, méfiez-vous quand même des médicaments qu'il faut prendre toute sa vie. Ben, voilà, essayez d'aller voir d'autres médecins pour voir s'ils sont tous d'accord. Moi, je crois que dans ces cas-là, il faut prendre l'avis de plusieurs médecins. Moi, je ne vais pas vous donner de conseils, mais oui. D'autres médecins vous diront peut-être qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec ça. Mm-hmm. Mais en tout cas, un médicament qu'on prend toute sa vie, moi, ça me ferait peur. Ben oui, mais c'est ça. Mais renseignez-vous. Donc, je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais peut-être vous demander un petit conseil. Ah ben non, là, d'abord, je vous dis, c'est un nom de médicament que j'ignore totalement. Ben. Ni en bien, ni en mal. Bon. Voilà. Eh bien, écoutez, merci quand même. Merci à vous. Au revoir, Anne. Au revoir. Bonjour, Marie. Allô, bonjour. Bonjour, Marie, oui. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Je voulais vous parler, madame, d'un livre que j'ai trouvé dans ma boîte à lettres depuis 2 ans. Je n'ai jamais payé ça. C'est surtout sur les nutriments. Ça s'appelle, le livre s'appelle, enfin, le journal s'appelle Nutranews. Alors, c'est sur la science, la nutrition, les préventions de la santé. Et alors, ils font des... Bon, c'est un commerce. Alors, beaucoup de choses sont faites par les États-Unis, parce qu'il y a des... Enfin, tout ce qui est à lire. D'ailleurs, je me propose de l'envoyer à Jean-Claude, qui vous le fera parvenir ou qui verra. Oh, moi, je connais ces publications. Vous voyez c'est, oui, c'est gratuit, mais ça vous... Non, vous non, fait la... pas, enfin, ça ne devrait pas être gratuit, puisque maintenant, ils mettent que... Moi, je n'ai jamais payé, ça fait 2 ans que je le reçois, oui. Et je n'ai jamais rien acheté, puisqu'il y a toute une le tarif de tous leurs problèmes, sur tous les problèmes que vous puissiez avoir. Mmh. Et je voulais vous demander, parce que c'est dangereux de prendre n'importe quoi, d'ailleurs, sur un des livres, il était sur un des journaux, c'est pas un livre, c'est un journal, il était noté que s'il y avait des problèmes, qu'ils dégageaient toutes leurs responsabilités. Mais ils sont pas fous. Non, mais alors, tout ça vient de du Luxembourg. Il faut envoyer le chèque au Luxembourg. Oui, mais on peut pas faire le procès. Excusez-moi de vous couper, mais il y en a des quantités qui font ça et vous pouvez pas vous amuser à répondre à tous ces gens-là. Ah, non, c'est non, de la publicité. Vous voyez, c'est une publicité pour essayer de vous vendre des produits, médicaments ou pas médicaments. Mais là, ça ne fait qu'abonder dans le sens où je vous dis que c'est le commerce qui prime tout. Exactement. Par rapport à la santé. Donc, vous jetez votre journal, point à la ligne, mais vous n'allez pas prendre des produits. Je ne lis que, par exemple, là, je vois celui d'avril, il y a sur le brocoli qui est bon pour les... Ah, mais ça, le chou-fleur, le brocoli, c'est excellent pour la santé, c'est pas un médicament. Pour l'instant, je peux quand même vous donner des renseignements là-dessus. Exactement. Ça n'est pas un médicament avec une AMM pour l'instant. On va fabriquer un jour des médicaments à base de brocolis, comme ça ce sera beaucoup plus rentable pour les laboratoires. Oui, mais les brocolis sont excellents pour la santé, il faut manger exactement. Beaucoup, et particulièrement s'ils sont biologiques et qu'ils ne sont pas arrosés de pesticides. Pardon, il parle aussi d'un professeur Montignac. Ah oui, Montignac, il est connu. Il fait Les régimes de Montignac sont très connus. C'est de ça que je voulais vous parler. Maintenant, je voulais vous dire aussi que j'avais été mise sous traitement. Attendez, nous nous éloignons quelque peu, Marie. Ah non, ça y est. Du livre de Sylvie Simon, la nouvelle dictature médico-scientifique. Non, mais je vais le lire, ne vous inquiétez pas. D'accord. Non, j'ai été mise sous Vioxx, moi aussi. Ah oui. Mais alors, la rhumatologue qui me soignait m'a servi, j'ai servi de cobaye. Ah ben ça... À votre insu? Ah non. Elle m'a dit, je vais vous donner... J'en avais entendu parler... Et elle m'avait dit, c'est formidable, etc. Mes clients en sont contents, patati patala. Donc au début, c'était très bien. Puis un jour, ça allait très mal et je me suis aperçue. Donc je ne payais rien. Ah bon ? Je ne payais pas. Elle ne vous faisait pas payer le médicament ? Non, j'étais cobaye. Point final. Cobaye gratuit. Et puis je me suis aperçue que ça n'allait pas parce que au lieu de 120, je crois que c'était dosé à 125 et elle m'avait donné à 250 après. Alors, tous les 15 jours, j'allais chez elle et elle me redonnait tant de boîtes de... Et c'est un médecin généraliste ? Non, c'est une rhumatologue. Ah oui, bah, elle avait certainement eu le laboratoire qui lui a demandé. Mais je l'ai de quitté depuis. Vous avez eu raison. Vous avez eu raison et j'espère que vous avez quitté le Vioxx aussi. Voilà. Voilà. Eh bien, merci infiniment. Merci pour votre appel, Marie. Au revoir. Au revoir. Je rappelle le numéro du standard 08 92 23 95 20. Jusqu'à 16h15, Sylvie Simon, auteure, entre autres, de ce livre qui vient de sortir aux éditions d'Angle, La nouvelle dictature médico-scientifique. Bonjour, Fatima. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, ça me suggère un certain nombre de réflexions. D'abord, si j'ai compris, cet ouvrage dénonce la dictature des sociétés pharmaceutiques. Exactement. Cela ne dénonce pas le médicament en tant que tel. Parce qu'une des autrices précédentes parlait du Levothyrox. Oui. Le Levothyrox, c'est un médicament qui est simplement une hormone de synthèse thyroïdienne. C'est donc de l'opothérapie qui sert à traiter les gens qui sont en insuffisance thyroïdienne. Sans ce médicament, les gens vont très très très très mal. Oui, mais est-ce que c'est le seul médicament? Il n'y a rien d'autre que cela pour les traiter. Ah bon. Ils s'en portent fort bien. On ne peut pas non plus prétendre que l'insuline est une chimie épouvantable qu'il faut interdire de consommer sous prétexte que c'est une chimie. C'est un médicament indispensable aux diabétiques, etc., etc. Que vous fassiez le procès effectivement tout à fait justifié des entreprises pharmaceutiques est une chose. Je vais même vous dire quelque chose. Une loi a été votée récemment aux États-Unis d'Amérique qui dégage les sociétés pharmaceutiques de tout procès ultérieur à partir du moment où le médicament a été approuvé par la FDA. Je suis d'accord avec vous. Il se trouve que entre la FDA et les sociétés pharmaceutiques états-uniennes, nous sommes presque en circuit fermé. Absolument. Parce que les études commanditées sont avalisées par la FDA et souvent ce sont les sociétés pharmaceutiques qui paient les gens de la FDA. Donc nous sommes en circuit fermé. Effectivement, c'est une chose à dénoncer. Oui, c'est autre chose. Lorsque vous parlez de médicaments naturels, savez-vous que la digitaline, la quinine sont des médicaments naturels qu'ils peuvent aussi tuer. Vous avez tout à fait raison de souligner que l'efficacité est souvent corrélée à un degré de toxicité. Tout est dans le bon usage de la molécule. Évidemment. Bien entendu. J'aimerais également vous poser une petite question, si vous permettez. Qu'est pour vous l'homéopathie? C'est quoi l'homéopathie? Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Bon, bah écoutez, de nouveau, je ne suis pas médecin homéopathe, mais enfin, moi, je me soigne que par l'homéopathie. Il y a des consommateurs, donc en tant que consommateur, j'en suis absolument enchanté. Vous devriez savoir de quoi il s'agit. Ah, oui, bah, évidemment, bien sûr. Totalement. Eh bien, pour moi, c'est une façon de soigner le corps qui n'est pas du tout toxique et qui a des résultats remarquables. Bon, moi, je vois mais de autour quoi de moi. S'agit-il? C'est quoi quel est le fondement de la thérapeutique? Ah ben, si je vous fasse tout un cours, enfin vous le savez très bien comment ça marche. En deux mots aux auditeurs qui vous entendent. En de deux quoi mots, il s'agit. On soigne le mal. Écoutez, je ne vais pas vous faire le récit de tout ce qui s'est passé avec les travaux d'Hahnemann et autres. Oui. Mais l'homéopathie est une chose, est un moyen de soigner qu'utilisent 50% ou 40% de Français régulièrement. Oui. Donc quand j'entends toujours dire que c'est un placebo, alors, pardonnez-moi. Donc je vais vous expliquer parce que moi, je peux le dire en deux mots de quoi il s'agit d'homéopathie. Il s'agit d'une technique qui consiste à diluer d'une façon infinie des éléments. Ah bah oui, c'est ça que vous voulez que je dise. Vous prenez une molécule donnée, vous la diluez 50 fois, 100 fois, 1000 fois, et à la fin, vous obtenez un résultat aqueux ou sous forme de comprimé, si c'est desséché, lyophilisé, qui comporterait l'élément essentiel thérapeutique. Bon, alors, on a demandé... L'Académie de médecine, il y a à peu près 6 mois, a demandé que, parce que ce sont des médicaments qui sont remboursés par la Sécurité sociale, l'Académie de médecine a demandé, à l'époque c'était M. Philippe Douf-Blazy qui était ministre de la Santé, que soient validés de façon scientifique les résultats de ces thérapeutiques. Le laboratoire d'homéopathie, dont Boiron, excusez-moi de citer le nom, s'est insurgé et a obtenu l'invalidation de l'enquête diligentée par l'Académie de médecine en France. Mmh. Alors, il y a une dizaine d'années environ, un monsieur qui s'appelle monsieur Émile Benveniste, qui a prétendu que... Jacques Benveniste. Qui a prétendu que la thérapeutique par homéopathie fonctionnait parce que l'eau avait une certaine mémoire de la molécule qu'il avait traversée. Mmh. Excusez-moi, mais ça me fait un petit peu rire. Hein. Donc, autre chose, madame, je me permets de vous dire quelque chose, que lorsque vous demandez aux gens, effectivement, être séropositif, ça veut dire qu'on a une marque sérologique, qu'on a été contaminé par un virus. Cela est une chose. Mmh. La maladie du sida, effectivement, résulte d'une déficience immunitaire résultant de la présence de ce virus. Lorsque les thérapies sont entreprises, en général, c'est pour réduire la charge virale qui attaque de façon irréversible le système immunitaire. Bon, si vous avez des techniques qui permettent de réduire la charge thérapeutique sans donner des rétroviraux, vous avez gagné quelque chose d'extraordinaire parce que peut-être gens se cassent la tête là-dessus. On n'arrive pas à trouver la solution. Dans ces cas-là, adressez-vous à Luc Montagnier, qui est un spécialiste du sida. Attendez, pas toutes les deux. Dangereux quand vous demandez aux gens de ne pas prendre leurs médicaments. Il y a des médicaments qu'on doit prendre à vie et qui sont nécessaires, madame. Est-ce que je puis vous poser une question, Fatima ? Oui, madame, monsieur, pardon. Oui. Combien de personnes sont mortes malgré des chimiothérapies ? Écoutez, monsieur, ça c'est une autre... Bien, je ne dis... Alors, ils sont morts lors de chimiothérapie, ils ne sont pas morts à cause des chimiothérapies. Beaucoup de médecins actuellement, cancérologues, renoncent à traiter des cancers avancés en disant « ça ne servira à rien, la survie sera à peine avancée ». Beaucoup de gens se refusent. Non. Il y a des traitements palliatifs, il y a des traitements curatifs, il y a des traitements de substitution. Il ne faut pas tout confondre. Bon, alors je voudrais quand même vous arrêter une seconde, et parce que pour les auditeurs, c'est extrêmement important. Oui. Je vous signale que vous avez dit que M. Benveniste avait prétendu un tas de choses. Oui, je vous signale que le professeur Luc Montagnier a repris les travaux de Jacques Benveniste. Alors, si vous considérez que Luc Montagnier est un petit rigolo qui ne sait pas ce qu'il dit, je veux bien. Je connais parfaitement bien le procès qui a été fait à M. Benveniste. Et il travaille... Je vous réponds que je n'ai pas lu ce qu'a écrit M. Montagnier là-dessus, car ça m'intéresse peu. Moi, quand on me dit qu'une molécule diluée 1000 fois a encore un effet, ça me fait doucement rire. Alors, riez doucement. Ce genre de médicament ne marche que justement lorsqu'on n'a aucune pathologie. Quand il s'agit de réelles pathologies, ça n'existe, il n'y a rien qui vient derrière. Mais écoutez, vous êtes Contre, je salue avec beaucoup de chaleur la lutte que vous menez contre le diktat des laboratoires pharmaceutiques, qui n'est pas simplement du diktat des laboratoires pharmaceutiques, parce qu'ils opèrent grâce à la puissance de ceux qui boursicotent grâce aux laboratoires pharmaceutiques. Mais évidemment. Vous savez que les morts à cause du Vioxx, qui sont réels, je vais faire une petite remarque là-dessus, ont été dissimulés, non pas du fait du laboratoire, mais du fait des gens qui investissent en bourse. Mais évidemment, parce que le laboratoire protège ses investisseurs. Quand on fait des études sérieuses et rigoureuses, j'ai écouté le monsieur André qui avait été interviewé tout à fait en début d'émission, effectivement, il faut être extrêmement rigoureux pour être irréprochable. Ce n'est pas une mince affaire que de démontrer l'imputabilité d'une molécule dans le décès ou dans un effet secondaire lorsque la personne prend le traitement. C'est, du point de vue méthodologique, scientifique, c'est très, très, très, très compliqué. Ce n'est pas parce que effectivement vous avez cité tout à l'heure la plaisanterie sur la personne qui prenait les médicaments donc elle s'est suicidée, donc c'est parce qu'elle était déprimée. Ce n'est pas simple de démontrer l'imputabilité. C'est pas simple. Ce n'est pas parce qu'une personne prend une molécule qu'elle est décédée à cause de cette molécule-là. Du point de vue scientifique, c'est compliqué. Non, mais il faut une reproductibilité de la chose. Il faut écarter tout autre effet apporté par d'autres molécules prises concomitamment. Il faut écarter la possibilité que c'est la pathologie elle-même qui a induit la mort. Ce n'est pas si simple que ça. Oui, mais madame, si je peux balayer d'un revers de main. Si je peux me permettre, attendez, je voudrais répondre à cette question. C'est très important quand même. Laissez le temps à répondre. C'est très important. Vous me parlez. Il faut avoir de la rigueur. Il y a quand même eu des chercheurs. Fatima, pouvez-vous laisser répondre si le Vioxx a été retiré, ce n'est pas Sylvie Simon qui l'a fait retirer, c'est le laboratoire lui-même. Donc l'imputabilité au médicament a été quand même reconnue. Je suis d'accord avec vous. Bon, mais c'est pas ce que vous avez l'impression de... Mais simplement, c'était juste une remarque annexe. Ce n'est pas si simple que ça, de faire l'imputabilité. Non, c'est pas simple. Pour le Vioxx, il déclenche des accidents neurologiques et cardiologiques certains, démontrés. Donc vous voyez qu'on peut quand même l'imputer à des médicaments. Madame, la plupart des molécules actives ont des effets secondaires. Évidemment. Le problème, c'est de mesurer le bénéfice sur le risque. Et est-ce que cela est mesuré, Fatima ? Est-ce que cela est mesuré ? C'est pas simple que cela. Est-ce que cela est mesuré, Fatima ? Alors, le souci, je suis d'accord avec vous concernant la formation des médecins, qui est en tout cas en post-universitaire, que souvent elle est assurée par les laboratoires eux-mêmes qui racontent ce qu'ils veulent. Ce sont eux qui organisent des congrès scientifiques, ce sont eux qui assurent les publications scientifiques, ce sont eux qui font les enquêtes et qui les soumettent, et la plupart du temps, il faut avoir l'esprit extrêmement critique, et il faut avoir le temps... Et ce n'est pas de la dictature, cela ? Pour mener ce n'est pas de la dictature, Fatima ? Mais je suis d'accord avec vous sur le terme de la dictature des laboratoires, mais pas le procès du médicament en tant que tel. La dictature, je suis totalement d'accord avec Mme Sylvie Simon, bien sûr, bien sûr. Ils ont le monopole de la formation et parfois même le monopole de la formation. C'est très très grave. Bien sûr, je suis d'accord avec là-dessus. Bon, vous voyez, à part là où je suis un peu moins d'accord, c'est inviter les gens à ne pas prendre des médicaments sous prétexte que ce sont des médicaments et que donc forcément toxiques. Il y a des médicaments indispensables. Refuser de soigner des angines à streptocoques conduisent au rhumatisme articulaire aigu. Oui. C'est très très grave de dire des choses pareilles, madame. D'abord, je n'ai pas dit ne prenez pas les médicaments. J'ai dit les médicaments à vie. J'ai dit prenez l'avis d'autres médecins avant de continuer à prendre un médicament à vie. Et vous l'ignorez. Il y a des situations. La dame qui a posé le problème de l'épilepsie et de la maladie de Parkinson, ce sont des médicaments de substitution que l'on doit prendre à vie. Il n'y a pas. Quand vous êtes myope, pour bien voir, vous avez besoin de prendre des lentilles qui corrigent votre niveau de réfraction. Je ne lui ai pas dit d'arrêter. Une chirurgie correctrice, peut-être, mais en attendant, vous êtes obligé de prendre des choses qui corrigent votre vue. Je vous signale que je vais simplement demander de prendre l'avis de plusieurs médecins. Et je crois que prendre l'avis d'un seul médecin, c'est toujours dangereux. Je suis d'accord avec vous. On peut même prendre l'avis de plusieurs médecins. Mais condamner le médicament en tant que tel, j'ai condamné le Vioxx et j'ai condamné le Prozac. Alors je crois que je ne suis pas allée très loin dans mes condamnations. Hein. Et je ne suis pas la seule à l'avoir fait. Je peux même vous apporter des informations. Puisque vous êtes d'accord avec le Vioxx. J'ai un tas de documents sur les médicaments, ne vous inquiétez pas. Hein. Le principe du médicament à condamner, je ne suis pas d'accord, c'est tout. Mais votre lutte contre le monopole de la formation et de la formation des laboratoires pharmaceutiques, je signe dès demain. Je vous remercie. Merci Fatima pour votre appel, au revoir. Hakim ? Êtes-vous là, Hakim ? 35 la minute. Bonjour, Hakim. C'est le moment que j'attends. Oui. Voilà, je voulais dire, moi je suis séro, hein, depuis maintenant plus de 15 ans, 20 ans. J'ai connu l'AZT, c'est vrai que l'AZT j'ai arrêté très vite. Après j'ai pris la trithérapie. En ce moment même j'ai changé de traitement. Et donc ça va faire une vingtaine d'années que je vis avec la maladie. Et j'ai beaucoup vu de gens autour de moi qui sont morts de cette maladie. Hein, et j'ai une hépatite C en plus. Et quand on dit que séro, c'est rien du tout, on s'en fout, tout le monde peut être séro et en pleine forme, c'est faux. Faut pas dire des choses comme ça, c'est complètement aberrant, quoi. C'est de la folie, quoi. Moi, j'ai été séro et croyez-moi que j'ai eu du mal, quoi. J'ai failli mourir et je reviens de loin. Maintenant, faut pas sortir des choses aussi. Il faut d'abord connaître la maladie, il faut d'abord être dedans, quoi, pour la connaître, la maladie. Voilà, quoi. Ça, c'est tout ce que je voulais dire, quoi. En tout cas, j'ai simplement dit que tous les séropositifs ne sont pas condamnés à mort, monsieur. Et c'est ça qui est important. Bien, ça aurait été intéressant de continuer à dialoguer. 08 92 23 95 20. Le moins que l'on puisse dire, Sylvie Simon, c'est que vous ne faites pas l'unanimité. Non, mais ça, je m'en doute. Qu'est-ce qui dérange dans votre discours? C'est pas le discours ambiant, j'ai pas la langue de bois, c'est tout. Il faut pas. Je suis pas politiquement correcte, je suis pas scientifiquement correcte, je suis pas médicalement correcte. C'est tout. 08. J'ai baisé mon micro en même temps. J'ai quand même beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. Êtes-vous vaccinée, Sylvie Simon? Non, évidemment pas. Jamais? Non, jamais. J'avais une maman qui était au courant de tout ça. Et grâce à ça, je ne suis pas malade. Et vous n'avez jamais eu, je ne sais pas moi, la... J'ai eu la rougeole quand j'étais petite. Oui. Ça a duré 48 heures. Le médecin, qui était un vrai médecin de famille, m'a dit « Ah, toi, tu n'as pas envie d'aller en classe. Eh bien, écoute, tu vas rester un peu couché, tu vas prendre du bouillon et pas de chocolat aujourd'hui. Et puis demain, tu reviendras en classe. Et puis le lendemain, je suis revenu en classe et tout. » C'est la seule maladie d'enfant que j'ai eue. Et j'étais évidemment pas vaccinée. Je suis ravie de l'avoir eue parce que ça m'a protégée d'autres maladies. Sylvie Simon, les antibiotiques, je ne vais pas en parler longuement, mais il me semble que l'Union européenne a interdit l'usage des antibiotiques dans la nourriture animale à partir du 1er juillet 1998. Comment peut-on être sûr que cette loi est bien appliquée? On n'est pas sûr du tout. Hein. On n'est pas sûr. Je racontais dans un de mes livres comment il y avait encore des gens qui en distribuaient par-dessous. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fait, hein, mais on n'a aucune garantie là-dessus. Mais enfin, c'est bien qu'il y ait eu un coup de frein de la part de l'État quand même, parce qu'on mangeait des antibiotiques, on en prenait, et c'est pour ça que les antibiotiques ne sont pas efficaces en France. Vous savez que la résistance des microbes aux antibiotiques est de 0,1% en Suède, de 0,2% dans les pays nordiques en moyenne, et qu'en France, elle est de 33%. 33,6 exactement. Donc vous vous rendez compte de la différence. Donc nous sommes les plus gros consommateurs d'antibiotiques. Et maintenant, le jour où nous avons... Alors c'est pas pour dire du mal des médicaments, parce que le jour où vous avez une septicémie où les antibiotiques auraient pu réussir, il est évident que s'il y a eu une accoutumance, eh bien ça réussira pas. Et c'est ce qui se passe. On sait très bien que les microbes résistent aux antibiotiques. Oui, allô ? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous me permettez de rebondir sur le sida, en fait? Oui, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, récemment, j'ai écouté une émission et qui apparemment, c'est un monsieur qui remettait en cause le fait que le que le syndrome en fait soit dû à un virus. Qui était-ce monsieur? Alors le monsieur c'était, si je peux dire le nom, c'était monsieur Jean-Claude Roussès. Ah oui. Et apparemment il expliquait qu'il n'était pas le seul, qu'il y avait beaucoup de dissidents, ce qu'on appelle les dissidents du SIDA. Ils sont environ 200 parmi les chercheurs mondiaux connus. Effectivement, il y a toute une remise en question. Je connais Jean-Claude Roussès, effectivement, et son livre est extrêmement intéressant à lire. Oui, donc ça remettait en cause effectivement les thérapies justement qui sont utilisées, qui pouvaient en fait. Enfin, ce qui est scandaleux, c'est que ça pouvait en fait, étant donné que les tests sont assez aléatoires suivant les pays. Totalement. Enfin, oui. Dans certains pays, vous allez être déclaré séropositif. Dans un autre pays, comme la France par exemple, vu que il y a une échelle qui est différente, qui fait que vous serez déclaré non séropositif. Oui, puis vous pouvez être déclaré séropositif un jour et non séropositif le lendemain, sous prétexte que. Voilà. C'est ça, oui. On sait que les tests n'ont pas fiables du tout. Voilà, et ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui sont parfaitement saines et qui finalement se retrouvent à prendre des médicaments, des antirétroviraux, etc. Oui, et ça les rend encore plus. Évidemment. Donc, tout reste. En fait, tuer des gens qui au début n'avaient rien, quoi. Voilà. Et les personnes qui ont téléphoné tout à l'heure en disant que quand on est séropositif, on est très très malade, c'est quelqu'un qui n'a quand même aucune information pour ce qui se passe ailleurs. Rien ne dit, je ne connais pas son cas particulier. Peut-être que ce monsieur, on lui a dit, vous êtes séropositif, vous allez prendre immédiatement de la ZT et autres, il est bourré de médicaments. C'est ce qui est dangereux, parce qu'on n'a pas l'assurance. Absolument. Voilà, donc. C'est pour ça qu'il faut être. En fait, on tue des gens, dans certains cas, on tue des gens qui au départ n'ont rien, et ça, je trouve que c'est assez scandaleux. Mais moi, je trouve qu'on devrait interdire votre livre, Sylvie Simon. Si vous dites tant de, je ne vais pas dire de gros mots, mais tant d'âneries, pourquoi ce livre a été édité? Il a été refusé d'être édité par un éditeur qui avait été racheté par un laboratoire, je vous signale tout de même. Et comme j'ai dit au laboratoire, il n'y a que la vérité qui blesse. Est-ce que vous me permettez de donner les coordonnées de l'ouvrage de ce monsieur? De ce monsieur, oui, je peux vous les donner. Ça s'appelle 10 mensonges sur le sida, c'est celui-là? Alors c'est sida. Supercherie scientifique et arnaque humanitaire. Voilà, aux éditions Marco Pieter. Non, collection Résurgence. Oui, c'est ça, c'est chez Marco Pieter. Mais il en a écrit un autre depuis qui s'appelle 10 mensonges sur le sida, aux éditions d'Angle. Ah, d'accord, très bien. Donc, ouais. ça pourrait il a écrit avec le professeur de Harven, qui est quand même une sommité mondiale, et qui partage ses idées. Je vous signale. Voilà. Merci. Merci pour votre appel, Majid. Bonne fin de journée, au revoir. Bonjour, Jean-Claude. Oui, bonjour. Je voudrais demander à Sylvie Simon. Moi-même, je suis anti-vaccination. Je renouvelle pas les vaccinations depuis que j'ai eu celle de l'armée, notamment le tétanos. Mais en partant à l'étranger, quand la fièvre jaune est obligatoire. Ah ben là, c'est très difficile. Hein. Ouais. Mais attendez, il faut être sûr qu'elle soit obligatoire. Si vous allez en Afrique, il y a des pays d'Afrique où c'est obligatoire. Oui, absolument. Mais il y a des pays où c'est pas obligatoire et on vous fait croire que c'est obligatoire. Ah, d'accord. Je vous signale qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont confié qu'ils sont allés en Asie et qu'on leur a dit que c'était obligatoire. Ça n'est pas vrai. Ça n'est obligatoire que dans certains pays, très peu, d'Amérique du Sud, et dans certains pays d'Afrique, très peu aussi. D'accord. Et pour le paludisme? Ah ben là, il n'y a pas de vaccin. Non, mais enfin, il y a des molécules, de l'anibaquine, etc. Oui, mais il y a aussi des choses naturelles qu'on peut prendre. Un homéopathe vous le dira tout de suite. Oui, j'ai un homéopathe qui m'a été recommandé par... Même si cette dame, tout à l'heure, estime que l'homéopathie, ça ne sert à rien. Oui. Je vous signale qu'il y a des gens qui ont fait le tour. Moi, j'ai fait le tour du monde dans des pays extrêmement malsains, sans jamais rien attraper, sans jamais rien prendre, excepté de l'homéopathie. J'ai un antiviral que m'a conseillé mon naturopathe, qui est l'extrait de pépins de pamplemousse. Oui, ben ça, on peut dire le non, parce que c'est pas un médicament, oui, c'est extrêmement bon, extrêmement sain. Et je vous signale qu'il y a un antiviral aussi remarquable qui s'appelle le chlorure de magnésium. Ah oui, le chlorure, exact. Qui n'est pas très bon à prendre. Exact. Le pépin de pamplemousse, c'est bien meilleur quand même. Et qui est aussi extrêmement bien en cas d'épidémie, etc. etc. Oui. Ce sont des choses totalement normales, mais je vous signale que le chlorure de magnésium, ça coûte 1 euro le paquet pour faire un litre de produit. Autre question, je suis actuellement en traitement chez un chirurgien dentiste, et pour des extractions et des poses d'implants, il m'impose des prises d'antibiotiques. Est-ce que je peux faire... Alors, je rajouterais que Sylvie Simon n'est pas médecin, Jean-Claude, s'il vous plaît. Oui, vous l'avez dit déjà. Oui, je l'ai dit et je le répète encore. Mais ça, il faut voir votre, avec votre dentiste et lui en parler, lui dire, est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas d'autre moyen que les antibiotiques? Oui, parce que étant donné que, je vais vous laisser entendre que la population française est plus ou moins... Tandis que peut-être avec des antibiotiques tels que le chlorure de magnésium, ça peut... Il y a un produit homéopathique très bien qui s'appelle qui est le attendez j'ai un trou maintenant il y a un machin homéopathique contre les infections qui le si vous voulez on appelle ça le produit comment dirais-je attendez j'ai mon truc s'est débranché moi, simplement voilà. Enfoncer la fiche qui est c'est du pyrogénium. Voilà. C'est un antibiotique naturel homéopathique. Je peux vous le dire, puisque c'est de la proue de perlimpinpin, a dit la dame qui parlait avant. Donc, ça ne peut pas vous faire de mal, ça ne vous fait pas de bien. Mais enfin, moi, je sais que ça fait beaucoup de bien. Jean-Claude, pour terminer, s'il vous plaît. Où pouvons-nous se procurer vos livres? Partout. Vous allez à la FNAC, si vous n'avez pas de FNAC à côté, vous demandez à un libraire, il le commande et il vous le... Mais tous vos livres sont édités chez Dangle. Ah non, pas du tout. J'en ai partout. Hein. Ah d'accord. J'ai publié 25 livres aujourd'hui, ou 26, je crois, et il y en a chez des quantités d'éditeurs. D'accord. Voilà. Merci. Merci, Jean-Claude. Au revoir. Merci, au revoir. Bien, Sylvie, nous allons terminer cette émission. Il y a un nouvel invité qui est arrivé déjà depuis un moment, avec qui je vais parler. Il a écrit un livre avec un titre percutant, « Je te plaque ma sclérose ». Il y a un autre livre, en plus du vôtre, Sylvie Simon, « La nouvelle dictature médico-scientifique », un autre livre que l'on ne peut plus trouver, parce que celui-là a été interdit, et il s'avère que j'ai un exemplaire sous les yeux, l'impératrice nue ou la grande fraude médicale. Ah oui. Bien, mais ce n'est pas politiquement correct de parler de la santé, de parler... Mais ça profite à qui? À qui ça profite cette dictature médico-scientifique? Au laboratoire, on recommence, on revient à la case départ. Uniquement au laboratoire, pas aux malades en tout cas. Bon. Bien. Merci beaucoup Jean. C'était le regard sur le monde par le frère Siméon.